Exclusivité 106.9 Mauricie. Attendez-vous à plus. Au 106.9 Mauricie, vous écoutez les meilleurs moments de l'année 2018. Voici Raphaël Pepa. Bon midi tout le monde, bienvenue au 106.9 Mauricie, bienvenue dans l'émission des meilleurs moments de l'émission que la Mauricie se lève et également de l'émission Midi Plus sur les ondes du 106.9 Mauricie. Et je suis très bien entouré pour ma première fois, je dois le dire, à l'animation, un peu fébrile, un peu stressé, mais ça va bien aller. Ça va bien aller, t'es bon. Ça va très bien aller. Alors je suis entouré de, vous l'avez entendu, Marc-Antoine Nouniès. Salut. Salut, et également Mathieu Plante à la réalisation. Salut Mathieu. Alors gros show aujourd'hui, et pourquoi? Parce que on est en lendemain de veille. Alors hier, grosse nouvelle, on apprenait que Yves Lévesque allait donc démissionné de la mairie de Trois-Rivières. Officiellement, ça s'est passé hier. On en a parlé dans l'émission du matin que la Mauricie se lève, également dans l'émission Midi Plus avec l'émission spéciale de Robert Pilote. Et là, aujourd'hui, on va prendre notre temps, on va s'amuser, il va y avoir de l'opinion, du plaisir. Alors, on parle des meilleurs extraits, un condensé de deux heures, des meilleurs extraits, des meilleures entrevues de Catherine Gaudreau dans l'émission que la Mauricie se lève, également des entrevues de Midi Plus avec Robert Pilote. Et on va commencer par contre avec un bulletin d'actualité. Marc-Antoine Nouniès, l'état des routes est difficile en Mauricie et au centre du Québec. Oui, ça reste assez difficile. Ce matin, alors que les routes étaient de partiellement enneigées à enneigées, plutôt cet avant-midi, eh bien, elles sont désormais partiellement glacées à glacées. L'autoroute 40 et l'autoroute 55 sont partiellement glacées sur tout le territoire. Le porte-parole du ministère des Transports du Québec dans la région, Jean Lamarche, affirme que le ministère est déjà à pied d'œuvre pour faciliter les déplacements. On est à épandre là, des fondants et aussi épandre du sel et de l'abrasif ainsi que du sable sur pratiquement là, l'ensemble des routes, principalement là, aux endroits névralgiques. On pense aux pentes abruptes, aux courbes, aux entrées et sorties d'autoroute, par exemple. Ailleurs au Québec, les conditions routières sont tout aussi problématiques. Dans le sud-ouest, le verglas a rendu la chaussée glacée à certains endroits. Plus à l'est, c'est un mélange de précipitations qui complique la vie des automobilistes. Selon Marie-Ève Giguère, météorologue chez Environnement Canada, la situation devrait rapidement s'améliorer. Aujourd'hui, si on peut se le permettre, c'est peut-être mieux de pas prendre la route, d'attendre à demain. Les conditions vont s'améliorer là, rapidement pour tout le Québec dès demain. Les précipitations vont se terminer là, en fin de nuit là, dans la région de Québec aussi. L'enfant dont la vie était menacée à la suite de la collision survenue entre trois véhicules hier soir à Brossard sur la rive sud de Montréal est maintenant hors de danger. Une conductrice âgée de 42 ans est morte dans l'accident. Une autre femme qui était passagère du même véhicule repose toujours dans un état critique. Leur véhicule en perte de maîtrise pour une raison qui est encore indéterminée a traversé le terre-plein et heurté deux autres voitures. La personne décédée et les deux blessés graves se trouvaient dans le même véhicule. Une délicate opération va bientôt s'amorcer sur la route 117 dans les Laurentides à la suite de l'embardée d'un camion transportant des matières inflammables la nuit dernière à la hauteur de Lac des Écorces. Un produit explosif s'est renversé sur la chaussée et des équipes spécialisées de la compagnie de transport impliquées doivent procéder au nettoyage des lieux. L'opération pourrait durer encore plusieurs heures et la route est complètement fermée. Michel Miron est un camionneur dont le véhicule est immobilisé en raison du bouchon qui s'est formé. Moi, ça fait depuis 3h45 ce matin que je suis dans le trafic à attendre. Puis je viens de parler à la SQ, puis ils ne savaient pas quand est-ce que le nettoyage serait fini pour ramasser l'explosif. Aux États-Unis, le président Donald Trump menace de fermer complètement la frontière avec le Mexique si les démocrates du Congrès n'acceptent pas de financer la construction d'un mur entre les deux pays. Entre-temps, la paralysie partielle du gouvernement américain se poursuit. Louis Cloutier a plus de détails. Donald Trump a écrit sur Twitter que son administration serait forcée de fermer entièrement la frontière au sud si les démocrates ne s'entendent pas avec les républicains du Congrès. Le président réclame de l'argent au Congrès pour construire le mur et le refus des démocrates de lui donner ce qu'il veut a causé une paralysie partielle du gouvernement qui dure depuis près d'une semaine. Les deux chambres du Congrès ont ajourné leurs travaux sans qu'une entente ne soit à portée de main. Le porte-parole de la Maison-Blanche, Mick Mulvaney, blâme les démocrates qui, selon lui, avaient manifesté l'intention d'étudier la proposition faite cette samedi dernier par le président Trump. We made an offer last Saturday night. They told us that they get back to us by the end of the week. They got back to us last night and said we're leaving. Louis Cloutier, La Presse canadienne. Et finalement, Raphaël, un dernier rappel: du métal pourrait être présent dans de la viande hachée vendue à Shawinigan durant la semaine dernière. Le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, le MAPAC, indique de ne pas consommer le bœuf haché ainsi que le veau de grains hachés qui proviennent du Super C Shawinigan Royal. Les emballages du 22 décembre sont visés par cet avis. Merci beaucoup, Marc-Antoine. On va jaser un petit peu de météo. Alors, avertissement de pluie verglaçante pour aujourd'hui. On parle de pluie verglaçante intermittente, maximum zéro. Ce soir et cette nuit, pluie verglaçante intermittente se changeant en pluie intermittente avec quelques nappes de brouillard, des vents de 20 km/h avec une température à la hausse pour atteindre 8 au cours de la nuit avec un refroidissement éolien de moins 8 durant la nuit. Et si on pousse ça un petit peu plus loin, le samedi 29 décembre, on parle de pluie intermittente se changeant en faible neige et cessant en mi-journée, une température à la baisse pour atteindre moins 10 en après-midi et un refroidissement éolien de moins 17 en après-midi. Pour ce qui est de 30 décembre, on parle d'une journée ensoleillée avec un maximum de moins 11 pour la nuit, dégagée avec un minimum de moins 11. Et pour le 31 décembre, Mathieu, en cette veille du jour de l'an, alors on va passer maintenant à l'année 2019, on parle d'une journée nuageuse avec un maximum de moins 4 et un minimum de moins 4 pour la nuit. Présentement, à Trois-Rivières, il fait moins 4, refroidissement éolien de moins 9. À Shawinigan, il fait moins 5, refroidissement éolien de moins 10. Et à Bécancour et à la Rive-Sud, il fait moins 4, refroidissement éolien de moins 9. Alors, on va tout de suite commencer avec la première entrevue parce que c'est comme ça que ça se passe. Jusqu'à 14h, vous allez avoir droit à toutes sortes de sujets, du sport, de la politique, du showbiz. Je vous ai préparé donc des entrevues qu'on a eues dans l'émission Que la Mauricie se lève et également l'émission Midi Plus. Première entrevue, on parle avec Marie-France Mendez et c'est un sujet qui a fait beaucoup jaser cette année. On parle du pot de la légalisation du cannabis. En date du 10 septembre dernier, l'animatrice de Que la Mauricie se lève, Catherine Gaudreau, s'est entretenue avec Marie-France Mendez. Madame Mendez, en fait, elle est enseignante, mère de deux adolescents et elle avait signé un témoignage dans La Presse Plus qui s'intitulait « Le cannabis m'a volé mon fils » et ça concernait la transformation de son fils de 17 ans suite à sa consommation de cannabis. On peut écouter l'entrevue donc de Catherine Gaudreau avec Madame Marie-France Mendez. On écoute ça ensemble. Oui. Marie-France Mendez est avec nous. Bonjour, Madame Mendez. Bonjour, Madame. Ça va bien? Ben oui, merci d'accepter cette entrevue. Je sais que vous êtes enseignante. On va vous laisser partir dans quelques minutes. Mais je trouvais ça important parce qu'on en parle beaucoup. Bon, on s'approche de la légalisation tranquillement. Vous racontiez dans La Presse Plus en fin de semaine, premièrement, mère de deux jeunes de 19 et 19 ans. C'est bien ça? 19 et 17, oui, exactement. Okay. Bientôt 18 et 20, en fait. OK, parfait. Donc, là, vous nous parlez de votre jeune de 17 ans, c'est bien ça? Oui, le plus jeune, mon garçon, exactement. Mon jeune garçon, qui a tout le temps été un garçon, tu sais, au même titre que sa sœur, enjoué avec beaucoup de potentiel, avoir envie de se dépasser en sport-études soccer. Un enfant, tu sais, oui, peut-être une mini-crise d'adolescence, mais rien comme j'ai... T'sais, j'entendais parler, par exemple, autour de moi. T'sais, je me considérais tout le temps super chanceuse. Pas trop de drame dans ma famille, comme j'écrivais. Un beau profil, ça allait bien. Puis en secondaire 5, ben là, ça a dérapé. Là, l'hiver dernier, ça a dérapé. Des mauvaises fréquentations. Pas beaucoup d'amis de mauvaises fréquentations, ça en prend juste un. Hein, mais c'est ça, il a goûté à ça. Il me l'a dit, il a été honnête avec moi, qu'il avait commencé à fumer. Puis là, tu essaies de réagir pas nécessairement faisant un drame, mais en lui disant, écoute, il faut que tu fasses attention à ça. Puis rapidement, j'ai réalisé qu'il dépérissait beaucoup. Okay. Il a lâché le soccer, il a lâché l'école. Ça a été drastique. Là. OK, parce qu'il a même abandonné l'école au mois d'avril. Oui, en avril, il a décidé qu'il n'allait plus à l'école. Il voulait plus y aller. Ben, ça lui est plus. Il restait couché tous les jours. Je soupçonnais une dépression. Dû à ça, oui. Peut-être aussi, bon, tu sais, d'autres choses. Je veux pas, il y a des petits problèmes, mettons, avec des amis ou sa blonde ou autre. Tu sais, à l'adolescence, tout ce qu'on vit est multiplié par mille, là, dans nos émotions. Mm-hmm. Donc, j'ai essayé de lui dire, bon, ce serait peut-être bien d'aller consulter quelqu'un, mais je veux dire, tous les moyens que j'essayais de mettre en place, que j'essayais de prendre, ça fonctionnait pas. Même, comme je disais, j'ai eu même beaucoup de difficultés à trouver un psychologue qui voudrait accepter de traiter un jeune qui consomme. Ah ouais? On dirait que c'était loin de ça. Oui, absolument. OK, donc les gens vous disiez, mettons, ouais, vous expliquiez le cas, mon fils consomme de la marijuana, mm-hmm. et la plupart vous disent, non, moi je... Exact. Ah oui? C'est ça. On se tient loin, c'est difficile, c'est pas facile à traiter, on n'embarque pas là-dedans. Puis j'en ai trouvé un à Victo, où j'habite, qui était d'accord à avoir ce patient-là avec lui, mais il me dit, mais écoutez, si ça vient pas de l'enfant, ben ça fonctionnera pas comme thérapie. Fait que, j'ai comme eu l'impression à un moment donné qu'il y avait plus d'issue. C'était juste quoi faire quoi, regarder mon garçon dormir toute la journée, puis vivre de nuit, puis consommer, puis pas aller à l'école. C'est inconcevable. T'sais. Puis les parents qui me disaient, ouais, mais moi j'ai appelé la police, moi j'allais placer, moi j'ai appelé la DPJ, mais c'est parce qu'il faut qu'ils se rendent aux psychoses, il faut qu'ils se rendent aux tentatives de suicide, il faut qu'ils se rendent à frapper quelqu'un dans la maison ou à être très très violent. Moi, j'étais pas rendue là. Fait que, c'est ce que je disais un peu dans l'article. Ouais. C'est comme si on n'a plus d'issue, on est comme totalement impuissant face à ça parce que je suis entre deux. Mon fils va pas bien, je le vois dépérir, mais en même temps, il n'est pas dans les psychoses encore, fait qu'il n'y a personne qui peut m'aider. T'sais. Exactement, parce que là, de ce que j'ai compris, de ce que vous racontiez, c'est que, bon, il a lâché l'école, il ne va pas à l'école, il ne travaille pas. Mais comme vous le dites tout à l'heure, t'sais, il n'a pas fait de tentative de suicide, on l'a pas diagnostiqué, il n'a pas fait de psychose non plus. Alors, est-ce que présentement, est-ce qu'il l'accepte notamment... Ben, je vais recommencer ma question. Est-il au courant qu'il a un problème de consommation de drogue? Est-ce qu'il le reconnaît? Non, je pense pas. Non. Pour lui, en plus, pour lui, là, j'ai l'impression qu'il considère pas que le cannabis peut être grave ou dangereux. J'ai pas l'impression qu'il est rendu là. Okay. Il réalise que son comportement a changé parce que là, dernièrement, j'ai été obligée de prendre de grandes décisions. Puis de samedi matin, je l'ai envoyé de force chez son père parce que là, moi, de mon côté, j'ai besoin aussi de prendre un recul. Puis je voulais aussi l'éloigner de ses amis. Okay. Donc là, je l'ai envoyé de force chez son père. Puis je pense que là, c'est comme si je le poussais au pied du mur. Là. Donc, le père habitant pas dans le même secteur que vous? Oui, exact. Exactement. Donc, je me dis que, bon, en s'éloignant des amis, ça peut-être aider, mais tu sais, en même temps, même si on met tous les moyens en place, si ça vient pas de lui, ça fonctionnera pas. Là. Mais est-ce qu'il est conscient? Tu sais, je pense pas. Je pense que tout ce qui est alcool, avec toutes les annonces, avec tout ce que le gouvernement met en place, je pense que les gens, en tout cas les miens, sont super sensibilisés à ça. T'sais, moi, Émile, il va souvent m'appeler le soir puis me dire ou m'écrire, maman, je rentre pas couché. T'sais, avant, là, je rentre pas couché parce que j'ai pris une bière chez un ami. Parfait, c'est beau, merci de m'avertir, à demain. Par contre, au printemps et cet été, je les ai arrivés chez nous en voiture, les yeux rougis par le cannabis. Là. Puis moi, de lui dire, voyons donc, c'est aussi grave. Ben voyons, m'en capote pas, ça va être légal. Puis j'ai l'impression, t'sais, est-ce que la légalisation, c'est vraiment ça le problème? Je pense pas. Madame Mendez, je m'excuse, on vous entend moins bien. Là, juste vous rapprocher de votre combiné, je m'en excuse. D'accord, d'accord. Ce que je disais, c'est que la légalisation, est-ce que c'est ça le grave, grave problème? Moi, je me dis que c'est peut-être le message qui vient avec cette légalisation-là. Mm-hmm. J'ai l'impression qu'en le légalisant, puis en disant qu'à partir de 18 ans, nos jeunes peuvent en consommer, j'ai l'impression que ce qu'on leur dit, c'est « Hey, c'est correct, 30 ans, là, ça n'a pas d'effet sur toi ». Ouais. Ça n'a pas d'effet sur ton cerveau qui est en plein développement. Et par contre, il y a plein d'études qui prouvent le contraire. Fait que j'ai plutôt l'impression que c'est ça le problème. T'sais. Vous craignez un peu cette banalisation-là. Parce que légal ou pas légal, nos jeunes vont en trouver. Oui, bon. On est d'accord là-dessus. Mais c'est que le gouvernement, en légalisation, puis en la légalisant et en disant qu'à 18 ans, c'est tout est correct, c'est comme si on banalisait les effets qui pourraient arriver. Puis je dois vous dire, madame, que depuis dimanche matin, depuis que mon article a paru dans la presse, je reçois des dizaines et des dizaines de messages par Messenger de mères qui vivent ou qui ont vécu la même affaire. Puis il y a tout plein de points en commun. C'est tous des jeunes garçons en bas de 18 ans, des sportifs, des gars qui avaient une tête sur les épaules. Ils ont tombé là-dedans, ils ont lâché l'école, ils ont lâché le sport, ils ont dépéri. Je veux dire, à quelque part, là, même si les gens ils vont me dire non, le cannabis, c'est pas le cannabis qui fait ça, c'est autre chose, ben je veux dire, il y a un petit peu trop de corrélation entre les cas. Oui, Madame Mendez, donc ça ne règle pas votre problématique avec votre garçon, non. Mais est-ce que vous vous sentez peut-être moins seul à vivre ça présentement? Est-ce que vous avez bien raison, ça a été quasiment un baume, là, ces messages-là, parce que je me disais, puis il y a des mères qui me disaient comment leur sentiment de culpabilité, puis tout ça, comment ils ont passé au travers. Puis c'est vrai qu'on se sent coupable, pas qu'ils consomment, mais coupable de ce qui s'en vient après, comme là, tu sais, moi, mon fils, il est pas content, là, que j'en avoue chez son père, il veut pas ça, tu sais, je me sens coupable, mais en même temps, on n'a pas le choix de mettre des moyens en place comme ça, tu sais, c'est les seuls moyens que j'ai, là. Ouais, absolument. Marie-France, pour le sauver, en fait. Oui, je m'excuse, je ne voulais pas vous couper. Je sais que vous devez. On doit vous laisser aller également. Merci d'avoir raconté ça à nos auditeurs. Je pense que vous avez aidé bien des gens ce matin. Je vous remercie de votre temps et de votre écoute. Merci, Mme Mendez. Merci à vous aussi. Au revoir. Entrevue de Marie-France Mendez avec Catherine Gaudreau dans l'émission Que la Mauricie se lève. Ça se passait le 10 septembre dernier. Juste un petit mot pour vous dire que je vous invite à nous appeler 819-376-1069 ou également sur notre page Facebook en message privé au 1069 Mauricie. C'est très... Il y a beaucoup de brouillard à l'extérieur. Oui, un mur de blanc. Ben exactement. Je sais que les conditions sur la route ne sont pas faciles. Marc-Antoine nous le disait dans le bulletin de nouvelles, autant en Mauricie qu'au centre du Québec. Ce n'est pas facile. Alors, n'hésitez pas à nous appeler, que ce soit pour nous parler de la température, des accidents sur la route, même nous dire vos meilleurs moments, oui, des émissions respectives sur nos ondes. Alors, ça se passe comme ça. On va continuer avec une deuxième entrevue, Mathieu, et on va parler de José Rivard. Alors, une entrevue de Robert Pilote dans l'émission Midi Plus du 24 janvier dernier, et il s'entretenait avec José Rivard. Qui c'est ça? José Rivard, c'est une sensation des médias sociaux. Elle est une femme qui publie des vidéos sur le web, principalement sur sa page Facebook. Elle est suivie quand même par une communauté de plus de 27 000 personnes. Et pour ceux qui ne la connaissent pas, elle parle de toutes sortes de sujets, mais surtout de politique. Et lors de cette entrevue-là, ce midi-là, le 24 janvier, elle parlait d'une cible en particulier, et ce sont les libéraux fédéraux. Je vous laisse entendre. Très hâte. Elle est avec nous autres maintenant. On l'a rejoint quelque part, je ne sais pas, dans un paradis fiscal au Québec. José Rivard, bonjour. Dans un paradis fiscal, si on voit, c'est ça. Oui. Hey, non, mais pas contente, la madame tabarnouche. Ben oui, non, mais quand j'ai vu passer ça hier, j'ai dit, oh non, probablement que là, elle a des choses à ventiler. C'est important que cette femme-là ait sa place dans les médias de la Mauricie et du centre Mon du Québec. Dieu, que me vaut toute cette gentillesse de ta part, j'apprécie beaucoup. Mais en fait, écoute, ça devient ridicule, cette mafia libérale-là. Ben là, oui, mais hein? Ça, mais... Même ce matin, Mario Dumont en parlait avec Paul Arcand en disant que tout le monde pensait libéral, mais c'est bel et bien vrai. Il y a beaucoup d'anciens libéraux qui sont propriétaires de compagnies de marijuana, évidemment, qui savent qu'ils vont faire des millions. Fait que ça va faire des millions de plus envoyés dans les paradis fiscaux. Donc, aussi un autre ministre ou un autre politicien libéral, ouais, mais lui, c'est sa femme et son fils. José Rivard, qu'est-ce que vous avez contre les libéraux à la fin? Qu'est-ce qu'ils vous ont fait? Sérieusement, écoute, ils sont en train de détruire le Québec depuis des années. J'ai jamais vu une gestion aussi tout croche que ça. Écoute, je pense que des vendeuses chez Walmart, j'en ai nul en section que ce que les libéraux peuvent gérer avec notre province. Mon beau Québec. Ouais. Mais l'histoire des paradis fiscaux puis de la marijuana, José Rivard, c'est approximatif, votre affaire. Pas parce qu'il y en a un ou deux qui ont déjà eu une carte de membre du Parti libéral que c'est eux autres qui vont contrôler la marijuana au Canada, voyons donc. Ben, regarde, ils essayent de le faire à tout point, hein. Encore ce matin, là, ils sont en pleine campagne contre les supposément criminels Hells Angels. Ben, come on, là. Je pense que les libéraux sont pas mal plus mafiosi que les Hells Angels rendus là. Oui, puis les autres partis politiques. Là, rapatriez-moi les 35 milliards qui sont dans les paradis fiscaux, là. Puis, premièrement, là, ces gens-là, là, ne devraient même pas avoir accès à cette production-là. Ils n'auraient même pas le droit d'avoir ça. Ça devrait être une interdiction. Premièrement, parce que c'est déjà un parti pris. C'est des anciens libéraux pour la majorité. S'il faut sortir une lettre, on te la sortira si t'es pas capable d'aller chercher ton info. Mais c'est plate, hein? Sais-tu qu'est-ce qui est avantageux au Québec quand t'es bilingue? C'est que t'as les vraies informations. Tu t'informes en dehors du Québec parce que vous êtes tellement rendu licheux libéral, là. Ça me l'est épouvantable. Des fois, je suis dans mon char, je suis morte de rire. Mais les autres partis... Je suis morte de rire de vous entendre parler des autres comme ça. Mais José Rivard, les autres partis, eux autres, j'aimerais ça que tu sois critique, que tu développes un peu plus dans l'avenir ton sens critique. Il n'y a pas que les libéraux... Dans le sens critique, moi, je pourrais te dire que si vous étiez vraiment neutre, là, vous montreriez aux gens que le Parti québécois, c'est le parti qui a fait le plus de... qui a créé des choses les plus positives dans les 40 dernières années. Mais dans un scandale là, de financement politique, les péquistes ont été nommés aussi. Puis l'ADQ a été nommé aussi. Jamais. Est-ce qu'ils ont payé un autre? Jamais. Toute la commission Charbonneau, est-ce que c'était réglé? Jamais. Oui, hein, mais toutes les partis ont... Le même type d'affaires. Oui, mais toutes les... Arrêtez de faire vos lécheux de libéral. José, qui détruisent le Québec. Arrêtez ça. Tous les partis se sont abreuvés dans cette source. José Rivard, tous les partis politiques se sont abreuvés dans cette source-là et au moins l'honnêteté de le dire. tu veux que je te dise quoi? Ben, je peux pas te dire, je peux pas, moi je parlerai pas de Legault, Legault je le connais pas assez. Moi j'étais plus au fédéral, puis je connais plus le Parti québécois parce que j'ai été des années derrière le Parti québécois. Je suis revenue vivre au Québec, puis je vais être derrière le Parti québécois, c'est parce que pour l'instant, c'est le seul parti qui va pouvoir sortir le Québec de la misère. Mais ouais, mais si tu dénonces... Parce que, maman, vous la voyez pas la misère, ben, ouais, mais moi je la vois en arrivant au Québec, parce que j'arrive de l'Ontario, la gestion de la santé, c'est épouvantable ce que ça a l'air. Est-ce que vous savez qu'une dame, justement, à Trois-Rivières, on va parler de Trois-Rivières. Il y a deux jours, il y a une dame qui est tombée dans un CHSLD. 2h15 pour avoir une ambulance. Pourquoi? Parce qu'il y a 4 ambulances de nuit cédulées. Selon la gestion barrière. Oui, mais tout ça normal, vaut que nos pionniers payent la note de même. Oui, mais José, les libéraux vont se rendre millionnaires avec des affaires comme la marijuana. Pourquoi il y avait besoin d'une ambulance? Elle était déjà dans un hôpital. Non, elle était dans un CHSLD. C'est pas un hôpital, ça. Ben oui, c'est un soin d'hébergement. Je m'excuse, c'est un soin palliatif. Je m'excuse. C'est un soin d'hébergement. Oui. Elle était un soin palliatif? Oui. OK, OK. Puis là. Une seule infirmière par étage. Qu'est-ce qu'a fait l'infirmière avec sa patiente qui est à terre? Arrêtez de défendre les libéraux. S'il vous plaît, devenez des journalistes neutres. Oui, mais non, mais c'est parce que tu. Moi, je vais être. Oui, mais c'est parce que toi-même, tu ne l'es pas, José, neutre. Tu veux soigner neutre avec quoi? Pas avec les libéraux, pas avec tout ce qu'ils ont fait, tout ce qu'il n'y a rien qui a été payé. C'est parce que arrête de dénoncer juste un côté. Dénonce l'autre côté. Absolument, je vais toujours continuer à dénoncer parce que c'est ça le problème. Mais oui, mais tu les gens ne seront pas au courant, ils ne pourront pas voir la réalité. Oui, mais tu vas vous les beurrer avec des fausses histoires. Oui, mais tu vas gagner en crédibilité si tu beurres les deux côtés. Arrête de toujours pencher sur le même bord. Ben, sincèrement, là, moi, là, je faisais partie du Parti québécois, là. J'ai été extrêmement déçue de voir Lisée rentrer là. Parce que Lisée, pour moi, c'est un mondialiste. Puis là, Québec a besoin de son indépendance. Ça va être le seul moyen de sauver le Québec. Parce que vous ne savez même pas à quel point il est détruit. Vous ne voyez même plus tellement vous êtes embourbé là-dedans. OK, José. C'est la province qui paye le plus de taxes. Puis qui va s'en mettre encore des millionnaires? C'est les crises de libéraux. Ben, j'espère qu'en 2018, je me souviens, va s'ancrer dans la tête des Québécois. Salut, José. À bientôt. Merci. Bye-bye. José Rivard, elle fait des petits vidéos sur les internets une fois de temps en temps. Alors, nous, du moins, on va se souvenir de José Rivard et Mathieu. Alors, toute une entrevue, quand même, quand on dit que ça brasse sur les ondes du 106.9, c'est le cas. Est-ce que tu penses que c'est Robert qui l'a calmé un petit peu dans ses propos depuis, quand même? Je pense que oui, Robert. Puis là, t'as le don de calmer les gens quand ils viennent en entrevue. Alors, et là, c'est ce ton de voix qui permet de calmer, je pense, le tempérament des gens. Et c'est le cas avec José Rivard. Alors, pour ceux qui veulent aller réécouter, c'est évidemment sur notre site web en date du 24 janvier, entrevue de José Rivard, la star des médias sociaux, qui est suivi par 27 000 personnes avec l'animateur de Midi Plus, Robert Pilote. Midi 22, on s'en va à la pause. Et ce qui vous attend par la suite, une entrevue avec Hubert Lenoir. Alors, on le sait, Hubert Lenoir a été, je pense, la révélation au niveau artistique dans le monde québécois en 2018. Et Catherine Gaudreau a eu la chance de s'entretenir avec lui, un jeune homme qui est assez intéressant. Oui, bon, il est polarisant, il fait réagir, mais il est extrêmement pertinent. Vous allez entendre ça dans 2-3 minutes. Exclusivité 106.9 Mauricie. Attendez-vous à plus. Jusqu'à 14h, vous écoutez les meilleurs moments de l'année 2018 avec Raphaël Pepin, seulement au 106.9 Mauricie. Midi 25, bienvenue sur les ondes du 106.9 Mauricie. Bon midi à ceux qui nous écoutent sur la route ou à la maison. Pour ceux qui sont sur la route, n'hésitez pas à nous appeler, je le rappelle, Mathieu, parce que les conditions sont pas faciles. 819-376-1069. Également sur notre page Facebook, le 106.9 Mauricie. Et puisqu'on n'a pas de bulletin de nouvelles habituellement dans cette émission-là, émission spéciale, je me permets quand même de vous parler un petit peu de sport parce qu'on a deux équipes qui sont sur la route ce soir. Les Cataractes de Shawinigan dès 19h sur la route face aux Tigres de Victoriaville. Également les Canadiens de Montréal, également sur le coup de 19h, qui vont affronter les Panthers de la Floride. Vous comprendrez qu'on ne diffusera pas, malheureusement, le match des Cataractes de Shawinigan, étant donné qu'il y a match des Canadiens de Montréal à la même heure. Mais quand même, on vous invite à être des nôtres. On va faire un petit peu de météo également, pour en ce qui concerne la météo aujourd'hui. Avertissement de pluie verglaçante. Aujourd'hui, maximum 0 ce soir et cette nuit. Pluie verglaçante intermittente se changeant en pluie intermittente avec des nappes de brouillard. On parle d'une température à la hausse pour atteindre 8 au cours de la nuit, avec un refroidissement éolien de moins 8 durant la nuit. Pour le 29 décembre, pluie intermittente se changeant en faible neige et cessant en mi-journée. On parle d'une température qui va atteindre moins 10 en après-midi. Également, un refroidissement éolien de moins 17 en après-midi. Et on va faire ça jusqu'au 1er janvier. Si tu me permets, Mathieu, Vite dans le futur, j'aime ça. Ben, exactement. 1er janvier 2019, qu'est-ce que ça nous réserve? Alors, on va commencer par le 30 décembre. On parle d'une journée ensoleillée avec un maximum de moins 11. Dans la nuit, une nuit dégagée avec un minimum de moins 11. Pour le 31 décembre, veille du jour de l'an, on parle de nuageux avec maximum de moins 4. Et pour la nuit, neige avec un minimum de moins 4. Et le 1er janvier 2019, on parle de neige intermittente avec un maximum de plus 3. Et pour la nuit, un dégagement avec un minimum de moins 13. Pour les températures actuelles, à Trois-Rivières, moins 4 degrés avec un refroidissement éolien de moins 9. À Shawinigan, moins 5 avec un refroidissement éolien de moins 10. Et à Bécancourt et la Rive-Sud, moins 4 avec un refroidissement éolien de moins 9. Mm-hmm. On enchaîne avec la troisième entrevue de cette émission spéciale des meilleurs moments du 106.9 Mauricie. Il y a plusieurs personnalités qui ont fait parler d'eux cette année dans différents créneaux. Et dans le showbiz, c'est celui qu'on appelle le nouvel enfant terrible de la pop québécoise. C'est Hubert Lenoir qui a marqué l'année 2018. Trois Félix, album de l'année pop, chanson de l'année avec Fille de personne 2 et révélation de l'année au 40e Gala de la Disque. Il y en a certains qui l'ont découvert justement au Gala de la Disque. C'est bon. Mais Catherine Gaudreau l'a découvert, elle, à l'émission La Voix. Alors, je sais pas si pour ceux qui se rappellent, il avait fait une prestation, il avait chanté en compagnie de Jean-Pierre Ferland et il avait montré sa fesse avec la fleur de l'Isée. Toujours controversé, ce gars. Exactement. Extrêmement polarisant. Ça avait retenu l'attention. Et justement, Catherine Gaudreau tenait absolument à s'entretenir avec lui. Ça s'est réalisé le 14 mai dernier. On se met ça dans la bouche. Bon appétit. Une des chansons que vous entendez probablement le plus ces temps-ci, Fille de personne 2. La semaine dernière, je vous explique, avant de le voir apparaître à La Voix, j'écoute Les Échangistes quelques jours auparavant. Et ce que je fais souvent, on a un horaire un peu particulier, on se lève tôt. Des fois, Les Échangistes, je peux pas l'écouter au complet. Puis le lendemain, ils repassent la rediffusion sur l'heure du midi. Alors, je me branche. Et là, Pénélope dit, au retour, Hubert Lenoir, qui va chanter entre autres avec Jean-Pierre Ferland, genre d'artiste qui te fait que tu restes devant le téléviseur. J'ai jamais été capable de décrocher. Très heureuse de l'accueillir avec son projet hors norme, tellement intéressant. Ça s'appelle Darlene. Fais ça que sa blonde en plus. Hubert Lenoir, bienvenue dans cette émission. Merci beaucoup. Hubert, c'est fascinant ce qui se passe pour toi. On va revenir un petit peu en arrière, si tu me permets. Tu t'es fait connaître au sein du groupe The Seasons. Là, c'est un projet, c'est autre chose. Et tu le fais avec ta blonde, parce que Darlene, c'est un album, mais c'est un livre aussi. Parle-nous de cette histoire-là de Darlene. En fait, c'est un livre, c'est un projet multidisciplinaire qu'on a fait il y a un an environ. On a commencé à créer ça. Puis je te dirais que c'est environ... c'est un livre, c'est un roman, puis ça raconte un peu la même chose dans deux médiums différents. OK. Donc, Darlene, jeune femme de 20 ans, d'une bonne famille de Québec qui rencontre un Américain qui veut mettre fin à ses jours en sautant de la chute Montmorency. Ça se passe à Québec, là? Oui, ça se passe à Québec parce que, en fait, ça se passe même plus précisément dans le coin du quartier Montmorency puis de Courville à Québec. Pour ceux qui viennent de Québec ou qui sont déjà passés à Québec peuvent comprendre, mais puis en fait, c'est des quartiers qui sont un petit peu un peu plus. Ou, je voudrais pas dire. Défavorisé, mais beaucoup plus classe moyenne, mettons, de la ville de Québec, dans laquelle Noémie et moi, on a grandi. Mm-hmm. Hubert, si on t'avait dit il y a 4-5 ans que tu sortirais un projet comme celui-là et que ça obtiendrait le succès que ça obtient là, parce qu'on ne se le cachera pas, Hubert, il y a un buzz sur vous deux, sur toi. Aujourd'hui, tu regardes ça aller, c'était quoi ta réaction quand tu as vu ça, de l'intérêt que le public et que la critique portent vers toi? Ben, je te dirais que c'est assez surprenant. Dans le sens que je savais ce que je faisais, c'était quand même. En étant humble, mais je savais que j'étais en train de faire quelque chose d'un peu révolutionnaire. Puis je trouvais ça vraiment bon, mais en même temps, je me disais que ça dépend au Québec, des fois, ou juste dans l'industrie musicale en général. C'est jamais sûr si les sorties vont fonctionner ou s'ils vont avoir l'attention que tu désires. Fait que, pour nous, c'était juste de faire ça selon les règles qu'on voulait, puis on voulait le faire sans compromis, puis ça nous dérangeait pas vraiment l'impact après ça commercial ou l'engouement médiatique qu'il allait avoir, mais je dirais que là, en ce moment, c'est assez fou, là, c'est vraiment hors norme. Tu peux pas t'attendre à quelque chose comme ça. Quand il y a un an, t'es juste en train de je veux dire, j'étais juste, je jouais de la musique dans la rue pour gagner ma vie, tu sais. Ouais. Après ça, Je veux dire, je pourrais pas m'attendre qu'il y a un an plus tard, j'aurais tout cet engouement médiatique là autour de moi. Tu peux pas t'attendre à ces choses-là. Absolument. Puis Hubert, de te voir à La Voix la semaine dernière à la grande finale, je me suis dit que je trouve ça intéressant parce que autant ce que tu fais n'est pas, puis je le dis absolument pas de façon péjorative, là, c'est pas commercial. S'il y a une émission qui l'est et qui attire un grand public, c'est La Voix. Es-tu conscient que ça va t'attirer un nouveau public aussi? Je dirais que je suis conscient que ça m'attire un public différent dans le sens que, pour moi, il n'y a pas vraiment de public différent. Je vois les mêmes gens. C'est quand je regarde mes notifications Instagram, tout à l'heure, c'est le même monde qui me suivent, le même genre de monde que le début. Mais après ça, je suis conscient surtout, c'est surtout que les gens me reconnaissent plus dans la rue depuis La Voix. Puis des fois, c'est du monde qui m'aime pas. Fait que c'est ça qui est drôle, c'est de voir leur. Avant, le monde qui me reconnaissait, c'était toujours du monde qui m'aimait beaucoup. Puis des fois, je vois juste des regards de fou. Fait que là, je fais comme bon, mais elle m'aime pas même. Ah oui, OK. Donc, juste par le regard, ah ouais, tu le sens très bien? Ça, c'est drôle aussi. OK. Ben, je le sens un peu, ouais. OK. Dis-moi, tu sais, il y a toujours du pour et du contre. Les médias sociaux, ça peut être le fun, ça peut être moins agréable. À la suite de ta performance à La Voix, il y a des gens qui ont pu être durs à ton endroit. Évidemment, bon, dans ce que tu projettes, c'est l'image, le gars, le style un peu androgyne. Moi, ça m'a rappelé autant de Cure ou David Bowie. Est-ce que, Hubert, ça fait partie de tes références musicales à l'époque? The Cure, non, pas vraiment. Non. Parce que, David Bowie, ouais, quand même. Mais tu sais, je te dirais que moi, je sais que le monde réfère, tu sais, à plein de choses, tu sais, comme Boy George, tout ça. Mais tu sais, moi, c'est pas vraiment des trucs que j'ai écoutés, mais c'est juste, pour moi, je le sens, c'est comme je le sens, là, mais après ça, c'est parce que je trouve que c'est des connotations, c'est comme des liens qui sont assez rapides, juste parce que, les deux ont porté du rouge à lèvres, tu sais, que on se met à faire le lien, là, tu sais, mais musicalement, j'écoute du jazz, j'écoute beaucoup de soul, beaucoup de funk. Je pense que quand on écoute mon disque, tu fais pas nécessairement des références à Tokyo musicalement, là, fait que c'est ça. Mais c'est vrai que je comprends le lien qui est fait en tête des gens. OK. Ouais, c'est ça. Ouais. Je regardais un petit peu ce qui s'en vient pour toi. Bon, il y a des spectacles à venir. Tu seras au Francofolie, entre autres, au Festival d'été. Dans la région, tu parles aux gens de la Mauricie à Trois-Rivières. De ce que je pouvais voir de plus proche cet été, c'est au Festival de la poutine de Drummondville. Je me trompe pas. Fin du mois d'août, c'est bien ça? Oui. OK, donc, c'est beaucoup ça cet été, des festivals? Tu vas te promener un petit peu partout? Ben, je te dirais que je vais faire des festivals tout l'été, oui. Partout, je vais partir avec mon groupe de tournée, on va faire tous les shows. Puis après ça, je te dirais que j'ai décidé de pas tourner trop longtemps en salle, tu sais, parce que j'avais pas vraiment envie, je voulais me mettre à écrire d'autres musiques le plus rapidement possible. Mm-hmm. Fait que je te dirais qu'après ça, à l'automne, je vais aller en France un peu. OK. Puis c'est ça. Alors cet été, est-ce que Noémie, ta blonde, est pas mal toujours avec toi? Vous faites ça ensemble? T'as comme un peu ta gérante, c'est ce que j'ai compris? Non, c'est pas comme un peu, c'est ma gérante. C'est ça? Ma productrice aussi. Okay. Elle fait tout. Ben, Hubert, l'émission se termine. Un gros merci. Bonne chance pour le reste. Au plaisir de te voir à Trois-Rivières bientôt. Merci beaucoup. Merci. Bye bye. Hubert Lenoir. Voilà. Il y a 23 ans, sa blonde Noémie Desloclerc a 21 ans. C'est sa gérante, sa productrice. C'est ça. tout est là. Puis préparez-vous, il va connaître du succès en France. Je suis convaincue de ça. Oui, et Catherine avait raison. Beaucoup de succès quand même. Oui. Il faut le dire, Hubert Lenoir a marqué l'année 2018 dans le domaine du showbiz. Et on parlait, évidemment, c'était la fin de l'émission. On va pouvoir le revoir à Trois-Rivières, à l'amphithéâtre Cogeco. Ça va se passer le 22 mars 2019. Hubert Lenoir qui va être là avec en première partie le groupe Anatole. Alors, ça devrait être très intéressant. C'est bon, ceux. Ben oui, effectivement. Et pour ceux que ça intéresse, on parle de billets qui sont en vente à partir de 25 $ directement sur le site de l'amphithéâtre Cogeco. Alors, allez voir ça. Hubert Lenoir. Et j'ai parlé avec mon collègue Marc-Antoine Nouniès tantôt dans la salle des nouvelles. Il me disait, en show, c'est tout un spectacle. Ah, ça doit, non? Oui, effectivement. Alors, il tient pas en place, ce gars-là. Et j'écoutais Catherine qui le comparait avec David Bowie ou The Cure. Bon, il disait que peut-être le pas look, The Cure, peut-être. Mais le look androgyne un petit peu à la David Bowie. Je suis bien d'accord. Je pense qu'il va avoir beaucoup de succès au cours des prochaines années. Certainement. Oui, midi 36. Alors, on continue maintenant dans le domaine sportif avec une entrevue avec Martin McGuire. Un des moments marquants de la dernière année dans le domaine sportif, c'est la transaction impliquant Max Pacioretty et les Golden Knights de Vegas. Il a été échangé, je vous le rappelle, à Vegas en retour de Tomáš Tatar, qui fait très bien justement dans l'uniforme du Canadien. Tomáš Tatar, ça. Tomáš Tatar. Ah, d'accord. Mais tu as dit Fromage tartare? Tartare. Mmh. Fromage tartare, bonne blague quand même. C'est quand même, merci. Ben oui, certainement. Ouais. Alors, fromage tartare, Nick Suzuki, il a eu un choix de deuxième ronde en 2019. Et justement, je le disais à Mathieu, fromage tartare qui fait très bien présentement avec les Canadiens de Montréal. Martin McGuire, descripteur des matchs des Canadiens de Montréal sur nos ondes, commentait la transaction avec Catherine. Ça se passait le 10 septembre dernier. Martin McGuire est là. Bonjour, Martin. Bonjour, Catherine. Martin, c'était devenu un peu inévitable, hein, que le capitaine soit échangé. C'est... On s'en doutait, mais là, c'est réglé. Oui, puis dans les circonstances, je t'entendais donner à nos auditeurs ce que le Canadien a obtient en retour dans les circonstances, qui n'étaient pas faciles. C'est pas une si mauvaise transaction dans les circonstances. Ouais. Mais c'est bien évident que ce que le Canadien a obtient en retour, c'est en deçà de la valeur d'un compteur de 5 saisons de 30 buts. Qui est Pacioretty. Ouais. Parce que Tatar est un joueur dont les performances périclitent un peu depuis 2-3 ans. Sa meilleure saison à Détroit en 14-15, c'était 29 buts. Il a tablé sur cette saison-là pour obtenir un contrat de 5,3 millions de dollars. C'est quand même un contrat qui est assez lourd là, pour le Canadien au moment où on se parle. Ça le place là, autour de Jonathan Drouin là, dans les bien payés, dans les bons salariés de l'équipe. Mais depuis 2 ans, c'est un joueur qui performe en deçà de cette valeur-là. Tu as parlé du jeune Suzuki. Je pense que c'est le profil de transaction que Marc Bergevin pouvait faire, c'est-à-dire un joueur qui sous-performe un peu, qui a déjà été bon, un prospect. Le jeune Suzuki, c'est un joueur très spectaculaire. Ah oui? Il a passé près de faire l'équipe l'automne dernier avec les Golden Knights. Ils l'ont gardé assez tard. Ensuite, ils ont décidé de le retourner chez les juniors. Si vous vous amusez sur YouTube, là, il y a quelques vidéos assez intéressantes de lui. C'est un joueur électrisant. On le classe comme un joueur de centre, mais je suis pas sûr que dans la Ligue nationale, ce sera un joueur de centre. C'est peut-être plus un ailier qu'un joueur de centre, mais 100 points l'année passée, là, c'est pas rien quand tu réussis à faire 100 points. Mais attention, tu sais, c'est 100 points chez les juniors. Tandis que Pacioretty lui avait prouvé qu'il pouvait mettre des points au tableau dans la LNH. Soit deuxième ronde, ben on sait jamais, Catherine, parce que je vous rappellerai que quand le Canadien avait échangé Craig Rivet aux Sharks de San Jose, ils avaient obtenu un choix de première ronde qui est devenu ensuite Max Pacioretty. Ouais. Alors, tu sais, si tu te trompes pas avec le choix de première ronde, de deuxième ronde en 2019, et que Suzuki atteint les promesses qu'on a placées en lui, ben peut-être que dans 2, 3, 4 ans, on dira que ça n'a pas été une mauvaise transaction. Mais là, ce matin, le Canadien a donné le meilleur joueur dans la transaction. Ouais, ça, je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. Martin, pour toi, est-ce que c'est clair à partir du moment où tu échanges Max Pacioretty avec le point de presse de la fin de saison de Marc Bergevin où le mot attitude est revenu à peu près 48 fois dans ce point? Est-ce que pour toi, c'est clair qu'il était ciblé parmi les joueurs lorsqu'on disait il y a des gars qui ont un problème d'attitude? Est-ce qu'il était ciblé par Marc Bergevin? C'était fini, la relation entre Marc Bergevin et Max Pacioretty. Ça a commencé à s'effriter il y a un an, presque jour pour jour, là, c'est-à-dire au début de la dernière saison, ça avait commencé à s'effriter considérablement. Ça s'est gâté après les fêtes, au tout début de l'année 2018, parce que là, sachant qu'il était sur le marché et qu'on avait tenté déjà d'offrir ses services à quelques équipes, Pacioretty avait regardé son patron dans les yeux dans une discussion qui a été très orageuse et lui a dit « Écoute, si tu veux plus de moi, ben échange-moi au plus vite ». Ça a failli se faire à la date limite avec les Penguins de Pittsburgh, puis on sait ensuite avec LA au repêchage. Mais c'est sûr que c'était une relation qui ne pouvait plus être viable. Et comme la relation entre le grand patron hockey et le capitaine ne pouvait plus être viable, si on avait persisté, si Pacioretty avait été dans l'équipe au moment où la saison commence, ça aurait pu être néfaste pour le vestiaire parce que Pacioretty était un élément important du Canadien et était le capitaine. Il fallait que ça se règle comme ça, mais la question qu'il va falloir se poser, Catherine, c'est pourquoi ça finit toujours comme ça? C'est ça, exactement. Ta question est très pertinente. Martin, j'ai posé la question à nos auditeurs. Bon, évidemment, on va plus loin. On se dit qui sera le prochain capitaine. Je change un peu ma question pour toi. Est-ce que tu penses qu'on va laisser choisir les joueurs ou la direction va imposer un capitaine? Ça sera jamais que les joueurs qui vont choisir à Montréal parce que parce qu'il y a trop de... Il y a une valeur très, très, très, très importante. Il y a une valeur médiatique avec le C sur un chandail à Montréal. Moi, je vous le dis, là, il y a seulement deux candidats. Okay. C'est Shea Weber ou c'est Brendan Gallagher. Shea Weber a la carrure, là, j'utilise le mot sur le sens de l'image, là, parce que physiquement, il a aussi la carrure, mais il a la carrure pour prendre la responsabilité, mais il est blessé. Il ne commencera pas l'année. Le seul autre qui pourrait prendre aujourd'hui cette responsabilité-là, c'est Brendan Gallagher. Mais moi, je mets le bémol suivant. Je pense qu'on va prendre notre temps pour choisir le prochain capitaine, parce que ça a été, quelques années plus tard, avec le recul, une erreur de donner le C à Max Pacioretty. La job de marqueur et la job de capitaine ne convient pas dans un marché exigeant comme Montréal. Alors, en ce sens-là, on va être extrêmement prudent. Est-ce qu'en raison de la blessure de Weber, on va entreprendre l'année avec quatre adjoints capitaines, comme on l'a déjà fait, avant de donner le C à Pacioretty? Je serais même pas surpris que ça se termine de même. On voudra pas présenter le capitaine en béquille. T'es d'accord avec moi? Oui, je t'entends. On voudra pas présenter, si c'est Weber le capitaine, ce qui serait un bon choix là, dans les circonstances, on voudra pas le présenter alors qu'il joue pas. Si c'est Brendan Gallagher, comme c'est un jeune joueur, c'est encore un jeune joueur, Brendan Gallagher, qui atteint son plein potentiel, mais encore un jeune joueur. Ouais. C'est quand même un rôle très lourd de signification à Montréal, puis je vais te dire là, vraiment, entre toi et moi, là, C'est un rôle qui est devenu un peu trop lourd pour ce que ça veut dire maintenant. Mais à Montréal, c'est comme ça. Parce que être le capitaine du Canadien, c'est être Jean Béliveau, c'est être Serge Savard. Puis honnêtement, ça ne correspond plus à la valeur que les joueurs donnent à ce signe-là sur un chandail. Martin, on va te suivre, bien sûr, parce que tu couvres le tournoi de golf qui sera, disons-le, quelque peu suivi ce matin. Merci. C'est parce qu'honnêtement, Catherine, puis je vous laisse là-dessus, honnêtement, moi, je pense que Marc Bergevin a été, je dirais pas chanceux, mais a eu la main heureuse de régler le dossier cette nuit. C'est vrai, oui. on est assez d'accord. Avec Martin, on t'écoute sur tout le réseau Cogeco. Merci pour ce matin. Au revoir. Merci, bye-bye. Martin McGuire. Alors, vous comprendrez que quand ça s'est réglé cette nuit, c'est déjà fait, hein, Mathieu? Donc, ben oui, Patrick, les références déjà, temporelles. Ben exactement, qui est déjà du côté des Golden Knights de Vegas. Alors, midi 44 à la pause. Ce qui vous attend par la suite, on va parler avec Fabienne Larouche. En fait, je ne vais pas lui parler, mais c'est Robert Pilote qui a fait aller ses contacts dans l'émission Midi Plus. Et il lui a parlé de la saison, en fait, de District 31. Mm-hmm. Parce qu'on sait que ça a été une des quotidiennes qui a été extrêmement populaire au cours de la dernière année. Alors, en date du 17 avril dernier, Robert s'était entretenu avec un des cerveaux derrière cette série. Et je le rappelle, pour ceux qui sont sur la route présentement et qui nous écoutent, si la température n'est pas belle, n'hésitez pas à nous appeler 819-376-1069 pour parler de l'état des routes. Il y a également sur notre page Facebook le 106.9 Mauricie où vous pouvez nous écrire en messagerie privée et on va se reparler après la pause dans 3 minutes. Exclusivité 106.9 Mauricie. Attendez-vous à plus. Jusqu'à 14h, vous écoutez les meilleurs moments de l'année 2018. Seulement au 106.9 Mauricie. Voici Raphaël Pepa. Midi 48, bon midi, re-bienvenue sur les ondes du 106.9 Mauricie. Émission spéciale ce midi consacrée aux meilleurs moments du 106.9, que ce soit dans l'émission Que la Mauricie se lève avec Catherine Gaudreau, également dans l'émission Midi Plus avec Robert Pilote. On fait du montage et on vous passe les meilleurs extraits, les meilleures entrevues qui ont été passées sur nos ondes. C'est bon. Ben effectivement, oui, c'est bon. Et je pense qu'à date, on a du bon matériel. Ben oui. Ce qui est le fun avec ce type d'émission-là, Mathieu, c'est qu'on peut constater qu'il y a du contenu sur nos ondes et qu'il y a du contenu qui est pertinent. Quelquefois, ben, on va dans les choses plus drôles avec des entrevues qui sont moins de fond, mais qui, justement, ben, vont nous faire rire. Et certaines fois, ben, on va davantage dans le sport, davantage dans la politique et aussi dans le domaine du showbiz. Donc, on n'a pas une demi-heure par jour de quotidienne à remplir de textes qui ne veulent pas nécessairement faire avancer l'histoire, mettons. Ben, exactement. Tu as tout compris. Et juste avant de passer à la prochaine entrevue qui est avec Fabienne Larouche, on va jaser un petit peu de météo et je trouve ça drôle parce qu'on a les télévisions qui sont dans le studio présentement. Je regarde RDI et également LCN et on parlait de canicule du côté de l'Australie. Alors, ici, on a des températures c'est l'inverse, qui sont... C'est l'inverse. Voilà. des températures qui sont extrêmement frisquées ici. Et là, eh bien, ça fait jaser parce que oui, il y a beaucoup de brouillard, il y a beaucoup de temps froid à l'extérieur. Et du côté de l'Australie, bien, on est en chess, si tu me permets l'expression. Ah oui, je te laisse. On voit des entrevues avec des gens qui justement ont chaud et su à grosses gouttes. Alors, quelquefois, ça nous donnerait le goût d'être du côté de l'Australie. Ah, c'est beau en plus. Oui, tout à fait. Alors, pour ce qui est de Trois-Rivières, aujourd'hui, on parle de moins 4 avec un refroidissement éolien à moins 9. Du côté de Shawinigan, moins 5 avec un refroidissement éolien de moins 10. Également du côté de Bécancour et la Rive-Sud, une température à moins 4 degrés avec un refroidissement éolien de moins 9. Prochaine entrevue à 12h50 et ça va être notre dernière pour la première heure. On vous le rappelle, on est avec vous jusqu'à 14h cet après-midi. Entrevue avec Fabienne Larouche. Alors, on a eu droit à la finale de mi-saison qui a été saisissante comme l'auteur Luc Dionne l'avait promis de District 31 et les fans de la saison pourront retrouver leur série le 7 janvier prochain. Et là, on se ramène le 17 avril. Robert Pilote s'est entretenu avec un des cerveaux derrière la série District 31. On parle de Fabienne Larouche. Ça se passait dans l'émission Midi Plus. Fabienne Larouche, bonjour. Hey, bonjour, Robert. Bon, alors, Fabienne, écoute, mais moi, quel succès... Je ne parle plus déjà. Rien. Quel succès, quand même. Hein? On peut-tu le dire pour une quotidienne? Là? Ah oui, c'est inusité. En fait, c'était pas quelque chose... On n'aurait pas pu croire que ça serait ça, là, il y a 2 ans, là, quand on a commencé l'année passée. Ça, les gens se sont épris d'amour pour Nadine, pour le couple de Nadine et Patrick. Il y a eu une effervescence, incroyable autour de ça, déferlante, même, je dirais. Même encore, Magali est en nomination pour un prix artiste, là, puis elle est morte depuis... Oh, j'ai dit qu'elle était morte. Qui ça? Magali, c'est qui? Non, c'est quoi d'autre on parlait? J'ai arrêté, là. Là, je regarde la mère, là, puis là, je me dis, je parle à Robert, là, puis là, tu vois, là, je suis partie dans mes rêves, là, puis là, ben, c'est ça, je vais trop parler, là. T'es en Floride, non, mais t'es en Floride, toi, là, t'es pas revenu au Québec encore? Non, mais ça fait 2 semaines que je suppose être revenu au Québec, c'est fou, là. Je reviens pas parce que tu sais que je prends pas l'avion, alors puis là on n'a pas tenu l'hiver. Mais là, on n'a pas tenu l'hiver, mais on peut pas, on devait revenir le week-end. Ce week-end là qui vient de passer, imagine-toi, dans la pluie vers Clafond, dans les Adirondacks, monter à Saint-Sauveur, oublie ça, là. Fait que là, on retarde notre départ, puis là, on part. Là, je vais être là en fin de semaine. Mais il faut que je revienne à la maison à un moment donné. Là, j'étais là longtemps parce que ma mère, mon père est décédé l'année passée. Ma mère t'a raconté, tu vas faire une histoire courte, ma mère. Aimait pas l'hiver, mon père aimait faire du ski. Fait que mon père, il venait avec ma mère un mois ici. Là, mon père, étant décédé, ma mère a dit, Fabien, je m'en vais 6 mois là-bas. Là, moi, je disais, Michel, ma mère, ça va 6 mois là-bas. Elle parle l'anglais comme on se peut pas. Ma mère, a quand même, tu sais, je vais avoir 60 ans au mois d'octobre. On s'entend, Robert, que ma mère, elle doit avoir au moins 70 ans parce qu'elle veut pas juger son âge. Là, je peux pas laisser maman tout seul là. On loue. Là, on est ici. Écoute, ça continue. On va demander notre carte de résidence. Là, on est content, on fait nos valises puis tout. Là, Michel, il regarde la météo, il dit là, Fabienne, je suis pas sûr, on n'a pas de pneus d'hiver. Fait que, puis là, mon beau-fils descend parce que lui, il ramène la voiture de maman. Maman n'a pas de pneus d'hiver non plus. Là, on n'est pas pour s'acheter 2 sets de pneus d'hiver. Ah, écoute, en tout cas, je vais revenir un jour, là, c'est sûr et certain. Ben oui, ben c'est ça. Cette semaine, et oui. Attends ce soir qui vient sur la maison parce que qui est ici en Floride en même temps que moi? Luc Dionne. Parce que là, on prépare l'an 3. Là, c'est confirmé, il va y avoir l'an 3, là. Puis l'an 3. Ben, écoute, j'espère, ouais. Là, parce que moi, dis, on l'a travaillé fort, celle-là. Ouais. Puis les gens, ils sont pas rendus au bout de leur peine et de leur surprise, ouais. Surtout jeudi soir. Oh boy. Moi, ouais, je ne comprends pas ça. Là, Nadine, oui. C'est parce que là, Nadine, on l'aime, elle n'est pas là, et on enquête sur sa mort. Il y a quelqu'un qui l'a frappée alors qu'elle était à moto. Là. Bon, y a, les gens qui nous écoutent et qui suivent la série savent de quoi il s'agit. Là, il y a des scénarios, semble-t-il, qui auraient été concoctés par Luc Dionne avec ta complicité, qui feraient en sorte que Nadine ne serait pas morte, que ça aurait été une histoire concoctée par les services sociaux. Les services spéciaux secrets. Sociaux peut-être. Hein? Oui, c'est ça qui est en tête. Écoute, Robert. Oui. Je peux pas parler parce que, imagine, Luc, là, il travaille fort. Hein. Tu sais que nous autres, là, si on commence, si la population du Québec, si les 1 500 000 personnes commencent à jouer avec nous sans qu'est-ce qui s'est passé, on va perdre. Luc, il va perdre parce que c'est un auteur. Moi, je suis la script éditrice. Michel, il est là. Tu sais, on est Annie. On est 4, là. Tu sais, alors là, c'est sûr, avec la gang de Radio-Canada, évidemment, on va perdre contre la population. Enfin, je peux pas trop attendre parce que là, ce soir, Là, on a compris hier soir que Jeff était probablement mort, en tout cas. On a trouvé un cadavre. Il y en a, ça. Maintenant, bon. Alors, et puis là, ce soir, ben, on a un autre épisode. Demain soir, c'est un gros épisode. C'est le gros, le dernier, là. C'est le grand non, feu d'artifice. Ça, c'est vous dit, mais demain soir, là, la fin de l'épisode, les gens vont être en choc. Demain, il faut pas manquer demain, là. Demain, on est en choc. Demain, mais ben, ça, il faut pas manquer toute la semaine. Tu sais, Robert, parce que tu sais, qu'est-ce que tu veux, c'est quotidienne. Alors, puis en plus, c'est un suspense. Fait que si t'en manques un, tu manques un bout de l'affaire, là. Fait que là, ce soir, demain, ben là, on finit ça comme ça. Puis après ça, on va recommencer en septembre. Comme l'année passée, avec le fameux coup de feu, là. Hein? Ben c'est ça. Mais ben, l'année passée, tu te souviens, il était-tu mort, les deux? Exact. Qui était mort? Exact. On a passé l'été là-dessus. Oui. Mais bon. On va passer l'été sur quelque chose. Écoute, c'est ça qui est formidable. C'est qu'il y a une telle proximité entre ces personnages-là, l'écriture de Luc... et les téléspectateurs, c'est unique, ça, là. Absolument. Dire, vous faites un million quelques d'écoute, là. Ça peut être à combien? 1,5 million par jour. Ouais, incroyable. Par jour. Ouais, c'est sûr que c'est très, non, très écoute, bon. Robert, là, vous avez un beau fait, filon. Luc travaille fort. Puis on a toute l'équipe qui est là-dessus. C'est l'équipe qui a travaillé avec moi sur Virginie, sur 30 vies, qui sont sur District. Écoute, c'est une équipe AA qui devrait être saluée à travers le monde. Les techniciens là-dessus, les réalisateurs, tout le monde, regarde. Tu sais, quand tout le monde est content, si on dit que c'est plus fun de travailler sur un succès, c'est un échec, effectivement, mais les gens sont contents d'être là-dessus. Et j'ai eu des appels quand le dernier épisode, l'épisode de jeudi, là, il y a ma gang de post-prod, là, les monteurs, ceux qui font la musique, la colorisation, le mix final. J'ai eu des appels, mon directeur de post-prod, ils ont dit, écoute, eux autres, ils lisent pas les textes, ils voient ça, tu sais, ils voient ça sur leur écran. Ils ont dit, on est en choc. OK, on n'en dit pas plus. On s'en reparlera. Écoute, on va laisser finir ça. Merci beaucoup. Toujours un bonheur. Merci, Robert. Je t'embrasse. Fabienne Larouche, sois prudente quand tu reviendras au Québec. Mais mets tes pneus d'hiver. Oui. Non. Robert, je vais être obligé de me demander ma carte de résidente permanente. Ça continue. Là. Salut. Salut. Ben, on a pris un petit peu de retard, mais elle est toujours verbomoteur, Fabienne Larouche. Oui, extrêmement verbomoteur. Et pour ceux qui ont écouté justement District 31, vous comprenez que là, c'est une entrevue qui date quand même. Oui. Alors, tous les punchs, tous les scoops. J'ai 240 épisodes à rattraper. Ben, c'est ça. Moi aussi, j'en ai pas mal. Alors, pour ceux qui justement suivaient la série, ben, vous comprenez que tout ça a déjà été annoncé. Même cependant, ça nous montre quelque chose. Il y a des scoops qui nous sont révélés par certains intervenants sur la passe publique que représente le 106.9 Mauricie. Alors, sur le coup de 13h, on va revenir. Et là, il est 12h57, on va s'en aller en pause, mais après la pause, Mathieu, un de mes moments favoris, je dois dire, au 106.9 Mauricie, dans l'émission Midi Plus avec Robert Pilote, et il a le don, ce Robert Pilote. Premièrement, les animateurs ici ont plusieurs qualités, que ce soit Catherine Godreau ou Robert Pilote, mais Robert Pilote a le don de concocter des mix d'invités assez intéressants. Tu dis ça va pas ensemble, mais finalement, ça a un certain sens. Ben exactement. Alors là, on va mêler un petit peu politique et humour. On va parler avec Andrew Scheer et Laurent Paquin. Et là, vous vous dites, qu'est-ce que ces deux messieurs-là font dans la même entrevue? Robert Pilote nous a concocté ça le 20 avril dernier. Et d'ailleurs, je vais saluer un auditeur qui voulait avoir ce meilleur moment dans l'émission. On revient dans 3 minutes. Exclusivité 106.9 Mauricie. Attendez-vous à plus. Jusqu'à 14h, vous écoutez les meilleurs moments de l'année 2018 avec Raphaël Pepin. Seulement au 106.9 Mauricie. Bon midi tout le monde, bienvenue sur les ondes du 106.9 Mauricie. Raphaël Pepin et Mathieu Plante qui vous accompagnent jusqu'à 14h dans l'émission des meilleurs moments du 106.9 Mauricie. Alors pour ceux qui se branchent avec nous à l'instant, bienvenue. Émission consacrée aujourd'hui au meilleur moment de Que la Mauricie se lève, animé par Catherine Godreau. Également au meilleur moment de Midi Plus, animé par Robert Pilote. Et je vais faire un petit peu de météo avant de passer à la prochaine entrevue. Alors pour ce qui est de Trois-Rivières avec refroidissement éolien, on parle de -9. À Shawinigan, -10. Et à Bécancour et la Rive-Sud, on parle de -9 également. Et pour ceux qui s'intéressent, ce soir, deux matchs, deux de nos équipes qui sont diffusés sur nos ondes, qui vont être sur la route. À compter de 19h, les Cataractes de Shawinigan vont faire face aux Tigres de Victoriaville. Et également, à compter de 19h, et là, ce match-là va être diffusé sur nos ondes à compter de 18h30 avec nos collègues Danny Dubé et Martin McGuire. Match des Canadiens de Montréal, 18h30, c'est l'avant-match. 19h, le match officiel qui débute avec les Canadiens face aux Panthers de la Floride. Je te parlais, Mathieu, tantôt, d'une entrevue que j'ai beaucoup appréciée dans l'émission Midi ouais. Plus avec Robert Pilote. Et je pense recette, que... hein. Mais exactement. Je pense qu'on est deux à l'avoir apprécié. Et il y a même un auditeur qui nous a écrit, Gabriel Lopez, que je salue ce matin, et plutôt ce midi, qui nous dit « L'entrevue de Robert avec Andrew Scheer et Laurent Paquin avait été bonne et drôle. Ça se passait le 20 avril 2018. » Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été récupérer l'entrevue du 20 avril 2018. Alors, on a ensemble, dans la même émission, même entrevue, le chef du Parti conservateur du Canada, Andrew Scheer, avec l'humoriste Laurent Paquin. Voici ce que ça donne. C'est la totale. Là. J'ai un des humoristes très en vue au Québec en studio, Laurent Paquin, qui est resté avec nous autres. Oui. Et tu t'interviens quand tu veux. Et là, on a, je l'ai baptisé comme ça, fait 3-4 fois que je dis que c'est peut-être le futur premier ministre du Canada. Andrew Scheer, en visite à Trois-Rivières, bonjour. Merci beaucoup pour l'accueil. Bonjour, ben, ça fait plaisir, voyons donc. Avez-vous rencontré le maire de Trois-Rivières, Yves Lévesque, tantôt? Oui, oui. Nous avons eu un petit déjeuner ensemble. C'est vrai? Oui, nous avons discuté quelque chose. Oui, quelque chose. Les enjeux locaux, l'aéroport. Non, non, mais c'est parce qu'il ne se cache pas pour dire qu'il voudrait être candidat chez vous. Il vous a-t-il acheté une carte de membre? Non, mais je ne peux pas dévouiller les secrets. Mais non, non, mais... C'est, ça veut dire oui, absolument. Oui, écoute, laisse-moi aller, tu vas voir ça. Non, c'est clair que M. Lévesque a une réputation très, très excellente, une carrière au niveau municipal très distinguée. Il est un homme très dynamique et il est un candidat potentiel de qualité supérieure. Alors, nous avons parlé de la, you know, quelque chose, quelques enjeux qui lui intéressent, les enjeux qu'il s'il décide d'y aller, oui, concentrer. Oui. Mais il va, hein, il va y aller. Y avez-vous promis un rôle de ministre? C'était ça que j'avais en tête, parce que j'imagine que quand on a un candidat vedette, il doit avoir des conditions. Il dit, moi, je ne veux pas être un backbencher, mais il faut que j'aie quelque chose, un rôle intéressant. Mais pas nécessairement pour lui, là, mais je parle en général. Quand on a un candidat vedette, il va avoir, j'imagine, certaines exigences. Pour moi, le but, c'est de gagner en 2019. Et j'ai trouvé dans mon carrière, s'il y a des chefs qui font les promesses très, très spécifiques, c'est se peinturer dans le coin, comme on dit en français. Là. Non, mais... Mais vous pouvez pas faire des promesses comme celle-là. Spécifique. Mais c'est clair qu'une candidate avec le bilan de M. Lévesque va jouer un rôle très, très important. Et c'est... Comme chef, je veux toujours utiliser les qualités de toute mon équipe. Et M. Lévesque a beaucoup d'expérience, beaucoup de sagesse. Il est très passionnant de les enjeux et je vais profiter de ses caractéristiques. Là, vous êtes pas mal bon en français, je vous trouve pas pire. Oui. C'est là que les questions deviennent plus crunchy. Là, on va aller dans l'identité puis dans le turban. Okay. Non, mais c'est vrai qu'au Québec, c'est un véritable problème, un maudit foutoir, comme diraient certains. Comment ça, on peut régler le problème d'identité puis de la laïcité de l'État, que ce soit au Québec ou au Canada? Oui, je suis la conversation ici au Québec et nous sommes très, très fiers de notre société tolérante et nous accueillons les gens de n'importe où au monde et les autres religions, toutes les races du monde. Je pense que c'est essentiel de garder cette manière de tolérance et acceptance. Et quand il y a les besoins spécifiques de l'État, comme exemple de prendre un avion, de voter, c'est essentiel que nos besoins de sécurité sont respectés. Alors, je pense qu'on peut trouver le équilibrium entre... Une espèce d'accommodement raisonnable, comme on dit au Québec. Sauf que dans la police, là, il y en a qui veulent porter le turban, puis il y en a qui veulent porter le hijab, puis c'est correct pour vous? Mais nous avons réglé la situation avec le GRC il y a beaucoup d'années. Oui. Je pense que c'est pas une question au niveau fédéral d'avoir les gens avec le turban dans le GRC. Alors, okay. Là, si vous voulez passer au Québec, là, j'ai une question très importante à vous poser. Là, okay? Ça, va falloir être capable de répondre correctement. L'an prochain, est-ce que le Canadien va faire les séries? Pouvez-vous nous le garantir? Mon première promesse électorale. Bon, ça, c'est une vraie entrevue. Là, on commence à poser les vraies questions. M. Scheer, il y a la légalisation localisation de la barrière Roanoke. Puis moi, je dis que pour vous, c'est un atout. Empêchez pas Justin Trudeau de faire ça, parce que ça risque de miner la prochaine campagne électorale pour les libéraux. Quelle est votre position sur tout ce qui va arriver autour de la légalisation du cannabis? Alors, je suis contre la légalisation. Nous avons voté contre comme une partie. Et maintenant, nos sénateurs travaillent très, très fort d'améliorer la situation. Les experts en santé ne sont pas en accord avec ce projet de loi. Les experts, les policiers, les ministres au niveau provincial, il y a beaucoup de problèmes. Et la chose qui me frustre beaucoup, c'est le timeline de M. Trudeau. C'est cet été, n'importe quoi d'autre. Il n'écoute pas les inquiétudes et les autres aspects de société. Et je pense que c'est une timeline fausse, politique. Il n'y a aucune raison que cet été doit être légal. C'est clair qu'il va avoir les conséquences négatives qu'on ne peut pas imaginer aujourd'hui. J'ai parlé avec les gens qui ont peur de les travailleurs. Il n'y a aucune épreuve pour on verra bien les conséquences que ça aura sur M. Trudeau. Vous êtes le premier ministre, vous, là. Avez-vous une garde-robe bien garnie pour être capable d'aller en Inde puis vous déguiser de toutes sortes de couleurs, ouais, comme Justin le fait? Juste après la visite de M. Trudeau, j'étais à Londres, oui, au Royaume-Uni, et beaucoup des gens ont remercié moi d'habiller dans... D'avoir un costard et la cravate et de ne pas arriver là déguisé en coureur des bois. Oui. Oui. Il aurait pu arriver avec l'espèce d'immense chapeau de poils, tu sais, les gardiens, là. Oui. Comment on les appelle? Je ne me rappelle pas. Non, mais ils ont des immenses chapeaux, là. Ils n'ont pas le droit de bouger. Foot guards, oui. Il y a des busbies, je pense que c'est le mot en anglais. Ou en Écosse avec le kilt et tout ça. Bon, alors donc, une petite tournée. Vous faites des consultations. Vous étiez au Delta ce matin. Les gens vous racontent quoi, là? Est-ce que... Nous avons une très bonne discussion qui touche sur beaucoup des enjeux. Hier, c'est à Montréal. C'est un peu plus économique. Les impôts, la différence entre les impôts pour les entreprises entre les États-Unis et au Canada maintenant, la main-d'œuvre. Ici, aussi, les questions économiques, mais aussi culturelles. Les questions touristiques, ici à Trois-Rivières, il y a un Grand Prix qui était très, oui, très important, oui, pour Trois-Rivières. Oui, absolument. Et il y a l'impression que pour le gouvernement fédéral, on peut faire d'autres choses pour pas seulement les grands événements dans les grandes villes, mais il y a les opportunités hors de Québec, Toronto, Montréal. On peut augmenter la croissance économique si on trouve les choses comme le Grand Prix ici à Trois-Rivières. L'immigration, c'est toujours une chose, les migrants illégaux. Oui. Il y a plus d'un an et le gouvernement de Justin Trudeau a fait rien. Et on doit se souvenir que c'est son tweet qui a commencé le problème. Elle a tweeté All are welcome. Oui, c'est tout, ça, tout, tout bienvenue. Beau petit chemin, on vient de passer le Weed Eater. C'est parfait, vous pouvez passer là. Petite dernière pour la route, là, vous devez partir, vous là, vous en allez vers le Grand Lac. Maxime Bernier a tiré son livre, il vous a donné un maudit bon coup de main, hein? Non, c'était la décision de Maxime. Ah bon? Oui. Pour moi, c'est essentiel de toute l'équipe de concentrer sur 2019. Oui. Il y a été 16 candidats pour la course à la chefferie. J'ai gagné. Et il vous a accusé d'avoir vendu des cartes de membres à des fermiers, je ne sais pas trop où, mais, là, pour vous permettre de passer. Là. Mais je n'aime pas l'expression « fausse conservateur » parce que ils sont les vrais conservateurs. Les gens qui ont acheté les cartes pour m'appuyer ou un des autres candidats qui appuie le système de gestion d'offres, ils protègent nos valeurs sur les impôts, sur une frontière plus forte, le respect pour les compétences provinciales. Alors, s'il y a des gens qui n'ont voté pas pour nous en 2015, c'est l'objectif d'avoir le vote en 2019. Maxime faisait comme une petite vanne d'État, là. Il vous laisse gâter un peu. Non, là, non, je ne vais pas parler sur... Vous n'irez pas là, parce que ça ferait une maudite belle clip pour faire des nouvelles. Non, mais en même temps, il y a toujours une petite amertume, hein, surtout quand il était pressenti gagnant, presque avant même le départ de la course. C'était chaud, chaud, là, oui. Oui, Maxime et moi, nous avons une très bonne relation, oui, et il est un membre de notre équipe. Mon message à notre caucus, c'est l'objectif est est 2019. Je suis le chef, le caucus est uni, le parti est uni. Il n'y a pas souvent dans l'histoire de le parti conservateur qu'après nous avons perdu une élection, nous restons unis. Oui. Nous sommes dans une très bonne situation. Oui. Les sondages sont bons. Nous sommes forts et dynamiques. Avec oui, Martine est très bonne pour vous autres au Québec. Martine Ouellet, j'entends. Là. C'est extraordinaire. Elle est pas mal bonne pour tous les autres partis présentement. Là. Oui, il y a une opportunité avec les gens qui peut-être ont voté pour le Bloc en 2015, qui ne sont pas nécessairement les séparatistes, mais elles croient dans un Québec fort, un peu nationaliste, et cherchent une partie qui va protéger les intérêts de Québec. Et je suis ici pendant les prochains jours et pendant l'été de dire que c'est notre partie qui va respecter le Québec, qui a reconnu le Québec comme une nation et qui veulent vraiment trouver les choses pratiques qu'on peut... Mais il n'est pas question, puis je sais que votre personnel me l'a dit, d'ouvrir la Constitution canadienne. Cette boîte-là, on va la laisser fermer à double tour. Mais j'ai jamais trouvé pendant mes voyages une vraie appétit pour ouvrir les consultations, la Constitution. Mais on peut trouver les choses de régler les défis pour Québec hors de ça. On peut trouver les idées. J'ai entendu quelques idées sur beaucoup plus de pouvoir sur les questions culturelles. On peut transférer les pouvoirs aux provinces de Québec. Un seul rapport pour les impôts, ça c'est une chose très pratique. On peut examiner ça. Il y a beaucoup. Nous sommes ouverts à toutes les idées et on va proposer les politiques plus spécifiques dans les prochains mois. Monsieur Scheer, merci beaucoup d'avoir pris du temps. Le français est bon, hein? Tout à fait. Mais plus on le parle, plus on est bon. Quand je dois parler en anglais, si je vais, mettons, aux États-Unis, le premier jour, je suis pourri. Puis après 2-3 jours, je commence à devenir pas trop mauvais. Si je prends un verre de vin, il a amélioré beaucoup plus. En plus de ça, je suis convaincu que... Ça délie les langues. Oui, votre chinois, votre mandarin doit être excellent aussi. Hein? Et d'ailleurs, une grande tournée du Québec, c'est-tu l'expression qui sera admise maintenant? Partir sur une chire. C'est, okay. Et c'est une expression québécoise. Je sais pas si vous connaissez l'expression, mais bon. Je vous souhaite de passer une belle fin de journée. Merci d'avoir pris du temps pour venir en studio. Merci. Et en campagne, vous êtes toujours le bienvenu. Okay. Surtout que là, Yves Lévesque fait partie de votre équipe maintenant, on le sait. Il sera ministre de quoi déjà? De la condition féminine. Ah! Non, c'est des blagues que je fais, mais. c'est une bonne question, Laurent, que tu poses. Il pourrait être ministre de quoi, Yves Lévesque? On va y demander. Du commerce, Yves, là. C'est un homme d'affaires. Je sais pas. Les affaires municipales, ils n'ont pas ça au fédéral. Je sais pas, là. Mais je vais l'avoir en entrevue tantôt. Je vais lui poser la question. OK. Je vous écrirai quel genre de ministère il veut. Alors, merci beaucoup. Laurent Paquin, c'était un grand bonheur de t'avoir un plaisir. Merci pour moi aussi. Mais quelle générosité. Écoute, t'as passé toute une demi-heure. Hey, j'avais rien d'autre à faire, de toute façon. Non, ça a été un plaisir, vraiment. Très intéressant. À bientôt. Donc, vous avez entendu Andrew Scheer, Laurent Paquin. À la pause, les nouvelles de midi vont suivre. Et puis, au retour, on va ouvrir nos circuits téléphoniques pour on va vous faire commenter toutes sortes d'affaires. On a des billets à vous donner aujourd'hui pour aller à l'amphithéâtre Cogeco, Notre-Dame de Paris. Oh. On vous offre une paire de billets pour Notre-Dame de Paris. Oui, alors c'est ce qui résume donc cette entrevue de Robert Pilote avec Andrew Scheer et également avec Laurent Paquin. On a eu droit à des bons moments quand même et j'ai regardé la télévision tantôt pendant l'entrevue. Et c'est assez drôle parce qu'on va présenter vendredi, donc aujourd'hui à 21h sur les ondes de TVA, les 20 ans de Laurent Paquin. Il a l'air plus vieux que ça. Ben exactement, les 20 ans de carrière de Laurent Paquin. Alors, drôle d'adon, ce n'était pas prévu comme ça, mais quand même, ça s'est passé dans les dernières minutes. Et Andrew Scheer, son one-man show? Oui, ben, c'est quand ça va arriver. Partir sur la Scheer. Oui. Alors, j'aime beaucoup les jeux de mots de Robert Pilote qui nous font penser à ceux de notre collègue Marc-André Pelletier, que je salue d'ailleurs, qui est à l'animation de l'émission du matin. Et petite nouvelle, en fait, de dernière minute, plutôt de dernière heure, le gardien de but des Canadiens, Carey Price, qui a eu droit à un beau cadeau de Noël après Noël. Ça s'est passé la nuit dernière, à quelques jours justement après Noël. Lui et sa femme Angela ont accueilli leur deuxième enfant, une fillette prénommée Millie. Alors, c'est Angela Price qui en a fait l'annonce dans une publication sur son compte Instagram. Identifiée à l'Hôpital Général Juif de Montréal. Elle a écrit ceci. C'est une fille. Nous avons accueilli Millie dans ce monde la nuit dernière. Rectangle Price, non? Carey Price. Oui. Alors, je pense qu'ici, on est très bon en jeu de mots. Oui, au 169 Mauricie, il faut le souligner quand même. Il n'y a pas juste ça, par contre. Et je trouvais impressionnant dans l'entrevue parce qu'on parlait de Yves Lévesque. Mm-hmm. Et on le sait, il a remis sa démission hier en tant que maire de Trois-Rivières. Et on en parlait beaucoup du côté conservateur. Alors, est-ce qu'il va devenir justement partisan, même partie prenante du Parti conservateur en devenant politicien pour le Parti conservateur? On allait même jusqu'à parler d'un poste de ministre peut-être pour Yves Lévesque. Pour l'instant, on le sait, a remis sa démission, a quelques problèmes de santé. N'écarte n'écarte pas quand même peut-être un retour en politique éventuellement dans le domaine fédéral. Ça reste à voir, mais je trouvais ça intéressant parce que les éléments se suivent quand même. Alors on parlait du Parti conservateur, finalement, problème de santé. Par la suite, on annonce, il annonce sa démission. Alors, j'ai bien hâte de voir s'il va justement joindre les rangs du Parti conservateur. Ben, c'est bien d'avoir comme une parenthèse dans le temps là, d'entendre cette entrevue-là. Oui, tout à fait, exactement. Donc, ça nous replonge un petit peu dans le temps et les intentions politiques de M. Lévesque. À 13h19, on poursuit avec la prochaine entrevue et on va parler d'un sujet quand même plus sérieux. Alors, une histoire qui a fait le tour du Québec, c'est celle de la jeune Athéna Gervais. On se rappelle, et là, je vous ramène dans le temps, le 26 février dernier, la jeune fille de 14 ans était portée disparue. Le 1er mars, son corps était retrouvé dans un ruisseau. Et on avait consulté ses amis. Ses amis affirmaient qu'elle avait consommé 2 canettes de la boisson sucrée alcoolisée Fucked Up. On apprenait par la suite que le Québec allait retirer des dépanneurs et des épiceries les boissons sucrées à haute teneur en alcool. On parle ici de 12 et 14 d'alcool et que seulement la SAQ, alors la Société des alcools du Québec, allait pouvoir en vendre. Et Catherine Gaudreau recevait dans son émission le père d'Athéna Gervais, Alain Gervais, en date du 14 mars dernier. Il s'est confié sur nos ondes. Voici ce que ça donne. Alain Gervais, le père d'Athéna Gervais, est avec nous ce matin pour en parler. Bonjour, M. Gervais. Bonjour. M. Gervais, avec ce que vous avez entendu hier, c'est d'une certaine façon ce que vous aviez demandé. Êtes-vous heureux de voir que, rapidement, le gouvernement fait quelque chose en ce sens-là? On est vraiment content de voir le pas de géant qui est fait dans le dossier. Les recommandations qui avaient été émises par Éduc-Alcool ont été suivies en grande partie pour l'apport que le gouvernement provincial avait à faire. Mm-hmm. Ils ont fait leur devoir là-dedans. Ils ont pris les pouvoirs qu'ils avaient. Ils les mettent en place. Maintenant, on attend vraiment là, la réponse au niveau fédéral, là, ce qui semble avoir une lenteur là, de ce côté-là. Là. OK. Et est-ce qu'on sait pourquoi c'est plus lent, ça, du côté fédéral? Est-ce que vous avez quelques explications à cet effet-là? Pas du tout. On n'a aucune explication. C'est vraiment là, le silence total du côté fédéral. Là. Il y a seulement que le sénateur André Pratt qui a fait une sortie dans ce sens-là, qui recommande fortement... au niveau fédéral là, qui fasse des actions là. OK. Monsieur Gervais, est-ce que vous saviez que votre fille consommait à l'occasion ou de façon régulière ces boissons-là? Non, on ne le savait pas, mais on sait qu'il faisait des niaiseries un petit peu à leur âge, là, mais je veux dire, il n'y avait rien là, de problématique là, qui revenait là. À ma connaissance, là, c'est peut-être même la première fois qu'elle a essayé cette boisson-là. On n'en sait rien vraiment. Là. OK. Vous n'avez pas eu réponse à ces questions-là parce que est-ce que vous avez, depuis ce temps-là, parlé à des amis? Est-ce qu'il y a des gens qui vous ont dévoilé davantage de détails sur sa consommation de boissons énergisantes alcoolisées? Non. Tu sais, il disait vraiment là, que ce midi-là, il avait eu cette idée-là. Mais on peut pas savoir vraiment là, si c'était arrivé avant. Là, il semble que ce serait peut-être même la première fois. Là, c'était une mauvaise expérience. OK. Monsieur Gervais, vous étiez à Tout le monde en parle dimanche passé. Si vous me permettez, oui. Je vais vous faire entendre un extrait de votre entrevue. Un extrait qui m'a un petit peu surpris. Je vous explique pourquoi. Alain Gervais, votre fille habitait à Laval avec sa mère et ses deux sœurs âgées de 15 et 17 ans. Vous êtes séparés. Vous habitez Saint-Hyacinthe. Quand l'avez-vous vue la dernière fois? Il y a un peu plus d'un an. La dernière fois que je l'avais vu. Les retrouvailles étaient prévues pour bientôt, là. Est-ce que vous lui parliez régulièrement? On se parlait pas encore. J'avais des contacts avec la sœur la plus vieille. Et puis, je commençais à développer d'un semaine qui s'en venait, là. Monsieur Gervais, évidemment, loin de moi l'idée de vous replonger dans vos histoires personnelles, mais j'ai été surprise d'apprendre ça. Monsieur Gervais, est-ce qu'on a le droit de savoir pour quelles raisons vous n'aviez pas de contact régulier avec votre fille? C'est une situation avec la séparation qui a été difficile. Là. C'est vraiment à titre personnel. Là. C'est pas un interdit de contact avec les enfants. Là. C'est plutôt... Ça a été personnel là-dedans, là. Ça a été vraiment difficile, là, moi et la maman, pendant plusieurs années, là. Puis les prises de contact, c'était très lent. Et puis, OK. Non, parce qu'en fait, ma surprise, M. Gervais, puis c'est zéro un jugement, ma surprise, c'est le fait que rapidement, c'est vous qu'on a vu dans les médias. T'sais, vous êtes intervenu vite, vous avez accepté de commenter, puis encore ce matin, vous acceptez de donner cette entrevue-là. Alors, c'est pour ça qu'on avait l'impression que vous étiez très proche de votre fille, dû l'intervention rapide. Alors, c'est pour ça que j'étais un peu surprise. Est-ce que donc, vous ne lui parliez pas régulièrement? Donc, vous n'étiez pas. Étiez-vous au courant, mettons, des amis qu'elle avait, de son entourage? Est-ce que vous le saviez? Non, parce qu'elle avait changé d'école entre-temps, là, le temps que qu'on se voyait pas, là. Mm-hmm. Fait que, tu sais, il m'en manque un bon bout, puis j'aurais tellement voulu être là avant. Ouais. Puis les circonstances ont fait que c'était pas le cas, là, puis c'est vraiment, là, je vais dire... Ouais, dans le bon bout qui vous manque, M. Gervais. J'ai pas vraiment de mots pour ça, là. Non, je comprends très bien. M. Gervais, c'est juste que je me demande, dans le bout qui vous manque, est-ce qu'il y a des questions que vous souhaitez poser à des gens en particulier? Savoir, est-ce qu'Athéna allait bien? Est-ce qu'elle consommait autre chose que des boissons énergisantes alcoolisées? Vous comprenez mon point? Oui, je comprends, là, non, mais j'avais quand même des nouvelles de elle, là, quand... Même si on s'était pas parlé directement, là, parce que j'avais des contacts avec la sœur, okay. Plus vieille. Et puis non, tu sais, malgré que je la voyais pas, là, je me tenais quand même un peu à l'affût là des nouvelles. Là. Ok. Puis admettons votre fille à 14 ans. Sans intérêt, là. Ok. Oui. Est-ce qu'elle allait bien? Est-ce qu'elle était bien entourée? Est-ce qu'elle avait des bons amis? Est-ce que vous savez ça? Ben les amis, c'est un peu le même genre d'amis qu'elle était, je veux dire, c'est des ados qui font des découvertes, là, je veux dire, c'est pas, je les ai rencontrés, ces jeunes-là, par après, là, et puis, c'est pas des méchantes personnes, c'est vraiment juste des ados, là, qui découvrent. OK, parfait. Donc, M. Gervais, donc, heureux de la décision prise par Québec, maintenant, vous attendez la suite sur la scène fédérale, c'est bien ça? Oui, c'est exactement ça. On lâche pas. La pétition continue. On demande aux gens là de signer encore à grand nombre parce qu'on a besoin de leur voix pour aller au fédéral avec ça. Là. Ouais. Vous êtes rendu à combien de signatures, M. Gervais? Est-ce que vous le savez en date d'aujourd'hui? Là, hier soir, quand j'ai regardé, là, on frôlait les 15 000. Là. 15 000, OK, parfait. Donc, la pétition, M. Gervais, pour les gens qui veulent la signer ce matin, on la retrouve à quel endroit? Je sais que Radio-Canada fait un lien là-dessus là, pour les gens que ce soit plus facile de la retrouver. Là. Mm-hmm. Sur le site de Tout le monde en parle, il y avait un lien là, pour okay. Accéder parfait. Alors, on la placera sur notre site Internet. Un gros merci, M. Gervais, pour cette entrevue-là ce matin. Ben, merci beaucoup. Merci, au revoir. Alain Gervais, le père d'Athéna. Oui, entrevue touchante de Alain Gervais, le père d'Athéna Gervais, cette jeune fille de 14 ans qui son corps a été retrouvé dans un ruisseau. Ses amis ont dit qu'elle avait consommé de la boisson fucked up, boisson sucrée alcoolisée à la somme de 2. Alors c'est probablement ça qui aurait donc été la cause de cet incident-là. Incident triste et qui avait fait réagir tout le Québec évidemment parce que on parle beaucoup de la consommation d'alcool, la consommation également de boissons énergisantes, que ça soit de la Gourou, de la Monster, de la Red Bull, et on dit justement que des fois le mélange entre les deux et les jeunes qui consomment ce type de boissons-là, qui étaient autrefois disponibles en épicerie et en dépanneur, c'était peut-être pas la meilleure des choses. Là, maintenant, la SAQ, donc la Société des alcools du Québec, est maintenant dépositaire, donc peut vendre cette boisson-là, mais il faut toujours être prudent, et je pense que, Mathieu, tu me le diras, c'est question de prévention. Alors, il faut sensibiliser nos jeunes à dire, je pense pas que ce soit la boisson qui est la mieux pour toi, et je pense pas que tu devrais consommer ce genre de boisson. Surtout à cet âge-là, et de boire en quantité comme ça, j'imagine qu'elle buvait pas beaucoup à la base, donc deux canettes, c'est comme des grosses canettes en plus. Exactement, et ce sont des grosses canettes. C'est mauvais au goût. Moi, je dois te dire, par contre, qu'au niveau des boissons énergisantes, je ne déteste pas. Alors, par exemple, une Monster, une Red Bull, de temps en temps, évidemment, il faut y aller avec parcimonie, pas en prendre deux ou trois de la fois. Il faut faire quand même attention. Mais la fucked up a un petit goût de bière. Là. Aussi, exactement. Donc, c'est pas quelque chose qui est très agréable. Et je pense que Alain Gervais nous l'a démontré durant cette entrevue. Alors, midi, 13h27 plutôt. Je me croyais encore dans la première heure de cette émission. Alors, 13h27, on s'en va à la pause. Et qu'est-ce qui vous attend après la pause? pause, une entrevue de Robert Pilote qui a réalisé avec l'homme d'affaires et ex-dragon François Lambert. On se rappelle, Philippe Couillard, l'ex-premier ministre du Québec, lors de la dernière campagne électorale, avait parlé de nourriture et d'épicerie. Il avait dit que c'était possible avec 75 $ de faire une épicerie pour un adulte et deux ados. On connaît pas les mêmes ados, je pense. Je pense qu'on connaît pas les mêmes ados et moi-même, j'en aurais mangé, je pense, pour plus que 75 $ à moi tout seul. Et François Lambert avait réagi sur sa page Facebook. Il avait dit que c'était même possible de le faire avec moins de 75 $. On écoute l'entrevue de Robert Pilote après la pause dans 3 minutes. Exclusivité 106.9 Mauricie. Attendez-vous à plus. Jusqu'à 14h, vous écoutez les meilleurs moments de l'année 2018. Seulement au 106.9 Mauricie. Voici Raphaël Pepin. 13h31, bienvenue sur les ondes du 106.9 Mauricie, émission spéciale qui se poursuit jusqu'à 14h. Alors, Raphaël Pepin et Mathieu Plante, à la réalisation de l'émission, on est avec vous et on vous repasse les meilleurs extraits, les meilleures entrevues de l'émission Que la Mauricie se lève et également de l'émission Midi Plus avec Robert Pilote. Et jusqu'à là, on en a pour tous les goûts. Alors, Marie-France Mendez, juste pour faire un petit récapitulatif, là, on a parlé avec Marie-France Mendez, une mère qui justement s'inquiétait de la transformation de son fils à cause de sa consommation de cannabis. Également, José Rivard, qui s'est entretenu avec Robert Pilote. José Rivard, qui est une star des médias sociaux et qui n'y allait pas de main morte, parlait et même débattait à propos des libéraux fédéraux. T'es-tu un peu? T'es-tu oui, tout à fait. Également, dans le domaine du showbiz, on a parlé de Hubert Lenoir. Alors, cette révélation 2018 dans la musique québécoise, celui qu'on appelle donc le nouvel enfant terrible de la pop québécoise. Également, entrevue très intéressante de Andrew Scheer avec Laurent Paquin, où on mélangeait politique et humour. On a parlé également de sport avec Martin McGuire concernant la transaction de Max Pacioretty, qui l'envoyait donc aux Golden Knights de Vegas, en retour de Tomáš Tatar, Nick Suzuki et un choix de deuxième ronde. Et maintenant, bon, on a eu tout ça, et là, on va se parler un petit peu d'économie. On va se parler de richesse. Oh. Oui, certainement. On va se parler de l'homme d'affaires et ex-dragon François Lambert. Il était en entrevue avec Robert Pilote pour revenir sur un de ses statuts Facebook. Alors, on se rappelle, je le disais avant la pause, l'ancien premier ministre du Québec, Philippe Couillard, avait dit lors de la dernière campagne électorale que 75 $ était suffisant pour nourrir, écoutez bien, une famille d'un adulte avec deux adolescents pour une semaine. Ben oui, très réaliste. Fait que là, on va voir comme Lambert de la médaille. Exactement. Lambert, oui, tout à fait. Exactement. Alors, Lambert, l'envers même de la médaille. Alors, l'homme d'affaires en avait ajouté en mars dernier en disant qu'il pouvait nourrir ses deux ados et lui-même avec moins de 75 $ par semaine. Est-ce que ça se peut? Robert Pilote lui a posé la question. François Lambert, bonjour. Bonjour. Inutile de dire qu'un millionnaire qui vient dire que c'est possible de manger pour 70 $ par semaine, ça suscite des réactions sur les médias sociaux. Tu t'es fait crier des noms. Ben, honnêtement, je m'en fous complètement qu'on me dit parce que ces gens-là, là, je viens juste de regarder avant de rentrer en onde, on est rendu à 1600 commentaires sur mon post, où je parle de mon épicerie. Ces mêmes personnes-là là, qui me gueulent après en ce moment, qui me disent tous les noms, je vais les rencontrer un peu partout, puis ils vont tous venir me voir pour me prendre avoir une photo avec moi ou me dire salut. C'est comme ça les réseaux sociaux, puis moi je m'en fais pas du tout. Tu sais, le qualificatif de millionnaire, ça c'est on parle de mon compte de banque, OK? Ça n'a rien à voir avec la personne que je suis, le père de famille que je suis. Je suis monoparental. J'ai mes deux gars en plein, deux ados, et je dois leur faire à manger. Et c'est pas vrai que je vais acheter des prêts à cuisiner, tout prêt d'avance. J'envoie un paquet sur les réseaux sociaux, puis ça me décourage à chaque fois. Je sais pas que je suis contre ça. Ça peut dépanner à l'occasion, mais commande, faites votre épicerie, puis faites attention à ce qui est disponible dans le supermarché. Je regarde pas les spéciaux, moi, là. Je me présente au supermarché, je regarde, je me dis, regardons ça, brocoli, 1,25 $, bon, on a acheté 6. On va faire quelque chose. Regarde, je suis en train de cuisiner, là, juste avant de te parler, là. Ben, je me suis fait une omelette avec des oignons et du brocoli, ça m'a coûté 3 $. Gros max. C'est facile. Gros max. C'est facile de s'alimenter en faisant attention, en faisant un bon choix. Regarde juste comme des pois chiches. Oui. J'en ai acheté cette semaine. Okay? J'en ai acheté en canne parce que j'aime ça faire des salades légumineuses. J'ai pas toujours le temps de faire tremper mes pois chiches et les écailler moi-même. Ça m'a coûté 1 $, j'ai 3 repas là-dedans. Absolument. Donc, je vais le mélanger avec d'autres choses. Bien entendu, je ne mangerai pas juste une canne comme un pauvre puis que j'ai de la misère à arriver. Là. C'est pas, l'exercice n'est pas là. Non, c'est que j'ai... ça part, juste François, avant d'aller trop loin, là, ça part de ce dossier. La famille avait 210$ pour faire la bouffe pour 4 personnes dans une semaine et avait de la misère à arriver avec ce budget-là. Toi, t'as dit, t'es revenu sur Facebook en disant un instant, puis t'as même publié la facture de ton épicerie en disant, écoutez, là, c'est possible de faire l'épicerie avec 50, 60, 70$ pour une semaine et de très bien s'alimenter. Ben oui. Moi, je m'alimente très, très bien. Je mange pas de cochonnerie, là. Je suis capable de me commander une pizza, là. Je suis capable... Tu sais, je pourrais même manger, là, du pétanque et du caviar à chaque jour, si je voulais. OK? Mais ça m'intéresse pas en tout. Et j'aime ça avoir de la variété. Et j'aime ça manger normalement. J'ai été élevé, moi, à manger du pâté chinois. Mais je me fais encore des pâtés chinois. C'est ce que je fais ce soir. Parce que je suis arrivé, j'avais pas prévu faire ça. J'ai vu la viande en spécial. Je dis, tiens, les gars vont aimer ça. Ils capotent là-dessus pour leur lunch. C'est fait. J'ai des lunchs de fait pour eux autres. Le pâté chinois va être fait. Ils sont contents. Le problème avec les gens à faible revenu, tu me diras ce que t'en penses, François, c'est que je pense que on ne prend plus le temps de faire la bouffe parce que elle est là. L'avantage pécunier, c'est dans le temps que l'on prend pour apprêter les aliments, leur donner une plus-value qui fait en sorte qu'à la fin, on est capable de s'alimenter à faible coût. Ben, ne pas avoir le temps, là. Regarde, je vais te donner un exemple. J'ai fait un poulet au four lundi. Ça m'a pris gros. Le temps de préparation, 10 minutes. J'ai tout coupé ça, j'ai mis ça dans le four. Je vais continuer à travailler, ça a cuit pendant 3 heures. Donc, je l'ai mis à 4 heures. Mettons que j'aurais travaillé et je serais arrivé à 5 heures. Bon, c'est un problème, mais bon, tu le fais la veille puis tu le réchauffes par la suite. J'ai pas jeté les os, on va faire une soupe au poulet avec. Il y avait encore plein de viande et la carcasse que j'ai pas cuit. Mais je l'ai mis au frigidaire, puis je vais faire une soupe demain probablement avec ça. C'est pas un repas, mais c'est une soupe. Donc, j'ai pas gaspillé. Mais le problème, là, le gros problème, là, que je le vois en parlant en ce moment, puis avec le post, c'est que les gens ne sont pas éduqués. Les gens ne savent pas comment cuisiner. Ils ne savent pas comment faire des choix à l'épicerie. Moi, je regarde, là, puis ça fait des années que je regarde, là, puis des fois, j'ai presque le goût, mais c'est pas ma job, j'ai presque le goût de lui dire, attends un peu, là, regarde, on va refaire ton panier, tu vas voir si on aurait plus ton argent. C'est ça. Puis tu vas avoir des meilleurs choix que toute la cochonnerie que tu viens de te mettre là-dedans. Exact. C'est un choix, là, que les gens font. Mais de là à dire, pour 210$ pour une famille, j'ai jamais fait une épicerie qui m'a coûté 210$. Jamais, jamais, jamais. Écoute, il faisait ça avec 500$ dans l'article dont on parle, là. 500$ pour 4 personnes par semaine. Oui, mais tu sais, il disait, bon, ça nous coûte 40 à 50 piastres de lait par semaine. Attends un peu, il y a un problème. Un du lait, là, on ne devrait pas en boire autant que ça. Non. Et si tu le donnes autant de lait, c'est que probablement tu lui donnes des céréales qui coûtent la peau des fesses et qui a plein de sucre là-dedans. Ouais. Moi, là, regarde, du jus, là, il n'en rentre pas ici. OK? On prend pas des jus d'orange le matin inutilement. Tu veux un fruit, mange le fruit au lieu de le boire. Parce que si tu ne manges pas les fibres, tu viens de te mettre dans ton verre de jus, là, tu viens de te mettre 35 grammes de sucre inutile dans la bédaine. Okay? Si tu manges le fruit avec les fibres, c'est pas la même chose au point de vue digestion, c'est pas les mêmes sucres et t'en as pour ton argent. Sinon, c'est du pur gaspillage. Tu peux prendre un Coke, tu vas faire la même chose. Oui, il y a des vitamines C dans le jus, le sucre écoute, je suis pas un câble. Mais les brocolis, il y a des protéines là-dedans. Le monde me dit, depuis quand il y a des protéines dans le brocoli? Il y en a dans toutes les foutu légumes, des protéines. Il s'agit d'en mettre plus de légumes que de viande, puis ton apport protéiné va être correct. C'est de faire des choix, puis de regarder. Et c'est pas d'être cheap, je suis pas une personne cheap pantoute, mais j'ai du fun à faire l'épicerie et faire des... J'aime ça cuisiner. Et ça prend pas de temps, là. Mais non. Moi, j'ai fait ça dimanche. Je regardais le golf au lieu d'être foiré devant TV en regardant le Tiger Woods revenir d'entre les morts. Oui. Je cuisinais puis j'ai fait des portions pour moi et puis ma blonde pour toute la semaine. Ben oui, le monde qui font attention font ça. C'est pas vrai que qu'on travaille 100 heures par semaine là. Ok, on passe beaucoup beaucoup de temps, moi incluant, sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter. Et ça, c'est venu gruger du temps qu'on avait pour cuisiner avant. On en perd du temps à les lire. On en perd du temps à les commenter. On appelle nos amis. T'as-tu vu ce que François Lambert a écrit? Ça n'a pas de bon sens. Puis toi, ton épicerie. Ben, franchement, lui, il se prend pour qui? Ben, tout ça, là, c'est du temps qui devrait être passé à cuisiner Moi, quand je fais un bon repas, là, mes enfants me disent « Hey, papa, wow! Vraiment, c'est sa coche, là. Ma journée est faite. Je suis bien plus glorifié que ça que d'avoir 5 likes sur mon post. » Merci beaucoup, François. Toujours un plaisir. On se reparle lors de la prochaine controverse. Vive les médias sociaux. Ben écoute, je m'en vais dans votre coin la semaine prochaine. Donc, venez me jaser. Je donne une conférence à l'Université du Québec à Trois-Rivières. À quand? Je suis au salon, ben je suis au salon du livre la semaine prochaine à Trois-Rivières. Ben viens faire un tour en studio, viens faire un tour. On va jaser ça. Parfait. Quand est-ce que t'es là? Ben je suis là vendredi, samedi puis dimanche. OK. Le 23, 24, 25. On va s'organiser quelque chose vendredi prochain. Parfait. À bientôt. Bye bye, François. Bye bye. François Lambert, un ancien dragon. Oui, alors François Lambert, ancien dragon et homme d'affaires qui s'exprimait donc sur ce que Philippe Couillard, l'ancien premier ministre du Québec, disait. Est-ce qu'on peut nourrir donc une famille d'un adulte et de deux adolescents avec 75$ par semaine? Pour ceux que ça leur tente, ben essayez-le, pourquoi pas? Et ça va nous faire plaisir ben, de recevoir. C'est possible, c'est peut-être pas le fun, mais c'est possible. Ben effectivement, je pense que c'est possible. Si on réussit à se resserrer la ceinture, resserrer notre budget, toutes les choses sont possibles. Alors je pense que oui, François Lambert a une partie de la bonne réponse. Exact. Voilà. Alors, nouvelle de dernière heure, juste pour vous dire, il y a deux touristes qui sont décédés dans l'explosion d'un autocar en Égypte. Il y a une bombe qui était placée en bordure d'une route qui a explosé vendredi au passage d'un autocar touristique près des pyramides de Gizeh. Ça se passe au Caire et ça a tué deux touristes vietnamiens en faisant 12 blessés. C'est ce qu'a annoncé le ministère égyptien de l'Intérieur. Alors, on surveille ça pour vous d'ici la fin de l'émission. 13h42, on s'en va à la pause. Dernière entrevue, oui déjà, dernière entrevue des meilleurs moments du 106.9 Mauricie. Et ça va être une entrevue avec Bernard Drainville et Yves-François Blanchet. Qu'est-ce qui relie ces deux hommes-là? Évidemment, la politique, mais une dame, Catherine Godreau, parce que les deux ont été leur chroniqueur, en fait, et plutôt son chroniqueur. Attends, les deux ont été chroniqueurs pour elle. Voilà, avec on pourrait dire ça comme ça. Les deux ont été chroniqueurs politiques pour elle, et il s'en est passé des choses entre Bernard Drainville et Yves-François Blanchet, notamment une petite vidéo qui a été concoctée par Yves-François Blanchet concernant ses meilleurs vœux de Noël, parce qu'il est maintenant dans la course à la direction du parti, plutôt pas du parti, mais du Bloc québécois. On va se faire jouer un extrait, et par la suite, l'entrevue de Yves-François Blanchet et Bernard Drainville, dans 3 minutes. Exclusivité 106.9 Mauricie. Attendez-vous à plus. Jusqu'à 14h, vous écoutez les meilleurs moments de l'année 2018 avec Raphaël Peupin, seulement au 106.9 Mauricie. 13h45 sur les ondes du 106.9 Mauricie, Raphaël Peupin et Mathieu Plante qui vous accompagnent jusqu'à 14h. Et donc, il nous reste une quinzaine de minutes ensemble pour résumer un petit peu cette première émission des moments spéciaux. Donc, de Que la Mauricie se lève également de midi plus. On va se revoir de toute façon le 3 et 4 janvier prochain lors de la nouvelle année avec d'autres extraits, d'autres entrevues de Que la Mauricie se lève avec l'animatrice Catherine Godreau et également de midi plus avec l'animateur Robert Pilote. Le temps de vous présenter donc cette dernière entrevue. Je vais faire un petit peu de météo. Alors, du côté de Rivière, on parle de moins 8. Du côté de Shawinigan, même chose, moins 8. Et à Bécancour et la Rive-Sud, moins 8 également. Ah, bon. Alors, ça ressemble pas mal en Mauricie et au centre du Québec. Dernière entrevue de cette émission spéciale et c'est consacré à Bernard Drainville et Yves-François Blanchet. Alors, dans l'émission Que la Mauricie se lève, Catherine a eu plusieurs chroniqueurs politiques. On parle parmi eux du regretté Jean Lapierre, Louis Lacroix, Sylvain Lévesque et dans les derniers mois, Yves-François Blanchet et Bernard Drainville. Alors, aujourd'hui, je le disais avant la pause, Yves-François s'est lancé dans la course à la chefferie du Bloc québécois et il en a profité pour diffuser sur sa page Facebook une petite vidéo pour transmettre ses meilleurs vœux à ceux qui le soutiennent et qui justement souhaitent le voir à la chefferie du Bloc québécois. Et il a fait ça en incluant son collègue Bernard Drainville d'une façon plutôt particulière. Catherine Godreau s'est dit « Je veux les avoir les deux. Je veux avoir Bernard Drainville et Yves-François Blanchet dans la même entrevue. » Ça s'est produit le 14 décembre dernier et ça a donné droit à d'excellents moments. Voici l'entrevue. Bien le bonjour, je suis Yves-François Blanchet, candidat à la direction du Bloc québécois. Écoutez, on a eu une année 2018 particulièrement intéressante. On a eu une année 2018 pleine de surprises, de décisions et d'intensité. Maintenant, il faut regarder 2019. Il faut l'entreprendre prêt, fort, les coffres garnis, les projets intéressants, parce qu'on s'en va en élection. Vous êtes... comment vous appelez? C'est moi. Oh, je savais! Hey, ma femme, elle vous adore, puis moi aussi. Ben, merci, c'est gentil, mais on est en train de faire la vidéo. Ah oui, je comprends, mais est-ce qu'on pourrait prendre un petit selfie ensemble? On peut prendre un selfie vite ensemble? Oh oui, oui, oui. OK. Hey, hey. Oh, oh, oh, oh! Yeah! Oh, oh, ouais, merci, là! Ça fait plaisir. Wow, un selfie avec Bernard Drainville! Wow, ma femme, on n'en reviendra pas! C'est Noël. Ah, voilà. Ce sera le choc des titans, parce que comme il l'a piqué au vif, elle est excellente. Yves-François Blanchet, Bernard Drainville. Bonjour, messieurs. Salut. Bien, bonjour. Bernard la trouve bonne, c'est ce que je comprends. Ah oui, je l'ai trouvée très bonne. Et... Je l'ai d'ailleurs tweeté. Oui, exactement. Oui, en trouvant incroyable que je puisse faire preuve d'autodérision. Exact. C'est pas le choc des titans, Catherine, c'est le choc des égaux. Ah, t'as bien raison. T'as bien raison. Catherine, donne si pas raison. Ah, ben, faut Bernard, je vais te faire une confidence. C'est un grand secret, personne ne le sait. T'es passé deuxième. La première proposition qu'on m'a faite, c'était Justin Trudeau. Oh. Et là, honnêtement, j'avais un véritable malaise. Et quand on m'a proposé de dire ce qu'ils disent, Bernard Drainville, j'ai beaucoup ri. Fait que j'ai dit, on va faire ça. D'autant plus que s'il m'est arrivé d'avoir des petits désaccords avec Bernard Drainville, j'ai un désaccord profond avec Justin Trudeau. Puis c'est nécessaire d'être en désaccord avec Justin Trudeau. C'est le fun d'être en désaccord avec Bernard Drainville. Ben, il est bien fin, lui. Ah c'est ouais? Noël. Je pense que c'est l'esprit de Noël, Catherine. Bernard, c'est-tu le fun d'être en désaccord avec Yves-François? Ah, oh, mais on n'a pas eu tant de désaccords que ça. Il faut savoir, ben on a eu des petits... Mais tu sais, sur le fond... Mettons, là, sur quoi vous avez déjà été profondément en désaccord? Ben c'est parce que nous autres, on faisait partie dans le temps de l'ABCD de la souveraineté, Yves-François et moi. Hein? On voyageait, on partait en autobus, en mini-fourgonnette, là, en petite camionnette, puis on se promenait puis on faisait des discours sur l'indépendance. Là. Il y avait A, c'était Hassan, B, c'était Blanchet, ouais. C, c'était Cloutier, puis D, c'était Drainville. Fait qu'on se promenait. Puis comme compagnon de voyage, Yves-François, des fois, il est insupportable. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, Catherine? Oui, mais tu te rattrapais rendu au Saint-Hubert. Bon, t'as peu, là. Qu'est-ce qu'on a le droit de savoir qu'on n'a jamais su? Ben, Bernard m'a transmis une très mauvaise habitude que j'ai testée ultérieurement parce que ça avait l'air trop bon et certainement pas d'y être, c'est de boire sa petite cope de sauce au Saint-Hubert quand il en reste. T'as peu, là. Bernard Drainville, oui. Tu bois ta sauce au Saint-Hubert. Ah, je l'aime, la sauce Saint-Hubert. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, Catherine? Mais je me souvenais pas que c'est ça que je t'avais transmis. Non, ben, j'ai essayé juste après, mais pas devant toi. OK. Bernard, qu'est-ce qu'on sait pas sur Yves-François, là, qui est croustillant ce matin? Qui se dit à la radio, bien sûr. Qui se dit à la radio. Ben, ouais. Écoute, mais il est plutôt sympathique, Yves-François, je te le dis. T'en fais un. T'as un ami, François, profite-en. Il faut dire qu'il n'est pas de la CAQ, par exemple. Non, mais il est correct, Yves-François. Yves-François, il faudrait qu'il vous parle. Faudrait, Catherine, maintenant, il faudrait que dans une entrevue, tu lui demandes de te parler de son vieux mononcle. Ben là, ah, mon Dieu, le vieux mononcle. Ben là, c'est là que ça se passe. Là, ah, c'était plus long. Ah oui? Oui, non, oui, c'est... Pour mettre ça en contexte, l'éducation, on envisageait... Le gouvernement voulait augmenter les droits de scolarité pour l'enseignement supérieur de façon importante. Le Parti québécois, évidemment, était contre ça. Et là, j'avais toute une histoire qui comparait les vertus de l'éducation à la propriété d'une terre par un vieux mononcle. C'était toute une histoire. Ah non, voilà. c'est un bon discours. C'est un très bon discours. Okay. Puis il nous parlait de son vieux mononcle puis dans son pick-up. Puis il n'existe pas le vieux mononcle en passant. Là. J'ai pas de vieux mononcle. Défais pas ça, là, Yves-François. Dans ma tête, il existe le vieux mononcle. Oui, mais c'est une allégorie. Non, je sais, mais je veux pas que tu me... Non, moi, dans ma tête, il existe, le vieux mononcle. J'ai une bonne idée de ce à quoi il ressemble. Son pick-up, je sais à quoi il ressemble. Il y a de la boîte, c'est ailleurs, puis je le vois dans le champ. Il y a une salopette trop grande. Oui, je l'aime. Oui. Moi, non, moi, défais pas le... Je l'aime, le vieux mononcle. Je vais te laisser entretenir tes rêves. Exactement. Bon, là, Yves-François, tu sais que j'espère que Bernard va rester avec moi, parce que vous avez cette mauvaise habitude de tous me laisser tomber l'un après l'autre, parce que toi, t'as fait la... Non, Bernard, il m'a dit, François, peux-tu aller au bloc, s'il vous plaît? J'aimerais ça. Va donc chez le bonhomme. Va donc chez le vieux mononcle, justement. Tiens. Fait que là, je me suis assuré, moi, Bernard. En écoutant que ma générosité. Ben oui. Bon, le défi est considérable, mais la cause pour Bernard est bonne. D'autant plus que si Catherine brasse Bernard comme elle me brasse, c'est moi. Ça ne peut lui faire que du bien. Oh, arrête-moi ça. Il est-tu assez flatteur? Je suis fine quand on est fin, François Blanchet. Non, c'est un pur bonheur de vous avoir ensemble ce matin. Juste en terminant, bien évidemment, il faut parler un petit peu de politique. Bernard, je te laisse aller par la suite, mais Yves-François, là, c'est-tu le candidat idéal pour le Bloc, selon toi? Ben oui. Il n'y en avait pas d'autres? Ben, je pense pas, là. Écoute, ça prend... Bon, idéal, parce qu'il n'y en avait pas d'autres, c'est déjà un petit peu moins. Non, mais ça prend... Franchement, là, je veux dire, on peut pas faire autrement que d'y lever notre chapeau, là. Qui c'est qui aurait le sens des convictions assez fortes pour se lancer dans cette aventure au moment où on parle, là? Non, écoute... C'est, je veux dire, il n'y a rien de sûr là, avec le Bloc présentement. Là, ça prend un gars qui a des, pas juste que des idées puis des convictions, mais ça prend un gars qui a quand même un certain courage là, de s'embarquer dans la barque du Bloc à ce moment-ci. Fait que moi, je le dis ouvertement, là, moi, je lui souhaite de réussir à Yves-François. Là. Puis okay. je vais dire franchement, Catherine, ouais. qu'on soit bloquiste ou pas, là, on a intérêt à garder quand même à Ottawa une présence forte, là, une présence forte du Bloc, parce que ça garde tous les autres partis fédéraux et fédéralistes sur leur garde, puis ça envoie un message qu'ils peuvent pas nous prendre pour acquis, ouais. qui doivent toujours tenir en compte l'intérêt des Québécois, là, puis je pense que Blanchet, pour ça, il va faire la job, là, c'est un gars qui est capable de porter un message avec une voix forte. Oui, porter un message, certainement, alors je suis bien d'accord avec Bernard Drainville, résumé de la conversation entre Bernard Drainville et François Blanchet, qui est maintenant dans la course à la chefferie du Bloc québécois. Également l'animatrice de Que la Mauricie se lève, Catherine Godreau. C'était la dernière entrevue qu'on vous réservait pour cette émission des meilleurs moments. Alors, on va se retrouver le 3 et 4 janvier prochain avec d'autres moments de l'émission Que la Mauricie se lève avec Catherine Godreau et également de l'émission Midi Plus avec Robert Pilote. Toute la programmation se continue. Alors, dès 14h, entre nous avec Sylvain Ménard. Sur le coup de 15h, le Québec maintenant, spécial des fêtes 2018 avec Marie-Claude Lavallée. À 17h30, les amateurs de sport avec Jérémy Rainville. Et sur le coup de 18h30, c'est avant-match avec nos collègues Danny Dubé et Martin McGuire pour le hockey des Canadiens. Ils affrontent ce soir les Panthers de la Floride. Et sur le coup de 22h, bonsoir les sportifs avec Derek Aucoin, Mathieu Plante à la réalisation. Merci beaucoup. Merci, on se refait ça 3 et 4 janvier. Oui, certainement. Alors 3 et 4 janvier, soyez là. Alors d'autres bons moments de la politique, de l'économie, de l'environnement, du sport, on en veut, et même du showbiz aussi, on en veut également. Alors tout ça pour dire que ça va être sur les ondes du 106.9 Mauricie. Ça va nous faire un plaisir de vous servir donc ces meilleurs extraits. Et si vous voulez, écrivez-nous 106.9 Mauricie sur notre page Facebook et également appelez-nous 819-376-1069 pour nous proposer vos meilleurs moments. Raphaël Pepin qui vous dit merci beaucoup. On se voit le 3 et 4 janvier.